cas. Le mot est devenu un phénomène de société dans le monde anglo-saxon, vous l'avez dit Mathieu. Il a même été élu mot de l'année l'an dernier par le dictionnaire américain en ligne Merriam-Webster. Au Canada, où on n'aime pas trop utiliser les mots anglais, une traductrice a proposé une alternative à ce gaslighting, desservelage. Alors, est-ce que nous sommes entrés dans une époque de desservelage de masse? Qui sont les desserveleurs? Quel est le profil des victimes? Comment repérer les techniques de gaslighting? Et comment s'en prémunir? Nos enfants en courent-ils le risque de se faire desserveler à l'école ou devant les réseaux sociaux? Comment retrouver son cerveau après s'être fait gaslighter? C'est ce qu'on va voir durant une heure. Merci Cyril. Hélène Frappa, puisque vous avez appuyé votre livre sur le film Gaslight de Georges Cukor, racontez-nous un petit peu cette histoire quand même de manipulation pour qu'on comprenne concrètement comment se met en place le gaslighting. Alors c'est un film, au départ c'est une pièce de théâtre anglaise, ça devient un film anglais, et puis le film anglais il est racheté par la MGM, qui à ce moment-là rachète toutes les copies, donc rachète les droits et toutes les copies, détruit toutes les copies, si bien que quand le film de Georges Cukor sort en 1944, des spectateurs qui auraient pu voir le film anglais, on peut leur dire mais quel film anglais? Aucun film anglais n'a jamais existé, donc déjà l'histoire est incroyable. Donc Georges Cukor va changer assez profondément le plot, l'intrigue du film anglais. C'est l'histoire d'une jeune femme orpheline, qui a perdu ses parents très jeunes, qui a été recueillie par sa tante Alice, qui était une cantatrice mondialement connue, qui était très riche, qui était la maîtresse secrète d'un roi, qui lui avait offert de sublimes bijoux qu'elle ne pouvait pas vendre, qu'elle ne pouvait pas exhiber, puisqu'elle ne pouvait pas exhiber évidemment cette relation avec ce roi publiquement. Cette femme, Alice, la tante, est assassinée. Plus exactement, elle est étranglée, tous les mots comptent, par un homme, son pianiste, un pianiste un peu raté, interprété par Charles Boyer dans le film, qui donc l'étrangle pour s'emparer de ses bijoux. Il ne trouve pas les bijoux, il est obsédé par les bijoux. Il a vraiment une passion sexuelle, je dirais, pour les bijoux, tels qu'on la voit dans le film. Pas pour les femmes, mais pour les bijoux. Et il va donc épouser la nièce. La nièce, c'est Paula, interprétée par Ingrid Bergman, qui elle-même veut devenir cantatrice. Tout ça est hyper important, c'est-à-dire il est question de la voix des femmes. Mmh. Ce sont des femmes qui perdent la voix, dont un homme étrangle la voix. Et donc, il l'épouse. Il est déjà marié. Donc il est bigame, donc ce mariage-là en fait est déjà une mystification, une tromperie, puisque légalement, je le rappelle, on n'est pas censé pouvoir être marié deux fois, donc le deuxième mariage est une tromperie. Et il va peu à peu l'obliger à donc revivre dans la maison de la tante pour trouver les bijoux, passer son temps à fouiller le grenier, et donc elle entend des bruits de pas comme un espèce de poltergeist. Elle croit qu'elle devient folle. Voilà. Et puis surtout, donc ça se passe à l'époque victorienne, fin 19e, le film se passe fin 19e, éclairage à gaz, gaslight des l'éclairage à gaz des lampes de la maison. Il va manipuler cet éclairage, baisser, monter la lumière, pour peu à peu plonger la maison dans l'obscurité, c'est-à-dire en fait plonger la raison de cette femme dans l'obscurité, en créant un état de doute. Hein, le gaslighting, profondément, la question, c'est le doute. C'est-à-dire qu'elle va se mettre à douter, suis-je folle, suis-je malade, etc., pour basculer dans un état, vous disiez desservelage, je ne pense pas que ce soit une bonne traduction du tout, si je puis me permettre, pardon pour les Québécois. Plutôt... Moi, je propose évaporation, parce que le but, c'est de détruire quelqu'un. La question étant, pourquoi il ne la bute pas? Il a buté la tante. Oui. Donc pourquoi un homme, individu de sexe masculin, va-t-il, parce que vous êtes l'exception qui confirme la règle, majoritairement il s'agit de femmes qui sont gaslightées, pourquoi un homme, un criminel, n'assassine pas directement cette femme, mais pourquoi se livre-t-il à ce complot sadique? Quelle est la finalité du gaslighting? Toute la question est là. Suspense total dans Zoom Zoom Zen. Et vous, avez-vous déjà été victime sans le savoir, puisqu'il y a 10 minutes, vous ne connaissiez pas le mot de gaslighting? A-t-on déjà essayé de vous farcir la tête avec l'idée que personne n'avait construit de mur pendant la nuit? Élément de réponse après Stromae, Mon amour sur Inter. Y a d'abord une Natacha, mais avant il y avait Nathalie, puis tout de suite après il y a eu Laura, et ensuite il y a eu Aurélie, évidemment il y a eu Emma. Mon Emmanuel et ma Sophie, et bien sûr y a eu Eva et Valérie, mais mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Oui mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Mon amour, oui c'est promis, oui c'était la dernière fois, et je te promets que je t'ai tout dit. Plus rien tu ne découvriras, plus aucune autre fille dans notre lit. Elles m'ont mis dans de beaux draps, oui bien sûr j'ai choisi, mais pas celle-là. Mon amour, Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Pour toujours. Non, c'est pas ce que tu crois. Je sais, ça paraît bizarre. Non, c'est pas ma faute à moi, mais sans doute la faute au hasard. Pourquoi tu t'en vas? C'était la dernière fois. C'était juste un coup d'un soir. Ça comptait pas. De toute façon, je sais qu'au fond de toi, tu les aimes bien les connards. Mon amour, oui, mon amour. Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Oui, pour toujours. Depuis que t'es parti, la vie n'a plus la même saveur. Les draps n'ont plus la même odeur. Depuis que je fais la lessive, mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Est-ce qu'il en a une plus grosse que moi? Vous le faites combien de fois par mois? Et puis mes slips sont dans quelle armoire? Mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Mon amour. Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Mais pourquoi, pourquoi la vie est si injuste? Dis-moi, dis-moi ce qu'il a de plus que moi. Dis-moi ce que j'ai fait au juste. Pourquoi, pourquoi la vie est si injuste? Zoom Zoom Zen sur France Inter. Le gaslighting ou l'art de faire taire les femmes, c'est le livre de notre invitée Hélène Frappa qui vient de publier. Hélène, je vous ai demandé au début d'émission si le gaslighter était une autre manière de dire pervers narcissique. On a vu que non, c'était très très approximatif comme approche. Comment vous, vous définiriez donc ce gaslighter ? Alors, c'est une manipulation. Ce qui est passionnant pour moi dans le film de Cukor, qui en fait un film qui d'ailleurs a été élu par la librairie la bibliothèque du Congrès comme un des, américaine, états-unienne, comme un des films qui a marqué l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire pas juste un chef-d'œuvre, mais un film qui fait date dans l'histoire de la pensée et l'histoire politique, c'est qui va articuler une manipulation conjugale, et là, il s'agit du mariage traditionnel, c'est-à-dire monsieur épouse madame, on est dans un cadre chrétien, historiquement, hétérosexuel, hétéronormé, plus précisément, qui est donc cette norme du mariage où monsieur va manipuler, monologuer, va détenir le pouvoir essentiellement sur le langage. Et le film sort en 44. C'est pas du tout un hasard, hein, c'est un peu la pierre maîtresse de l'analyse que je lui consacre. C'est-à-dire que Cukor, qui est un cinéaste d'origine juive hongroise, hein, qui a sa famille en Europe, pressent quelque chose. Bon, il pressent pas seulement, on est en plein pendant la Seconde Guerre mondiale, mais il y a quelque chose dans ce film et dans ces lampes à gaz qui ne cessent de s'éteindre, et dans cette manipulation conjugale, dans ce sadisme du mari, qui dit quelque chose de ce qui se passe derrière les murs, pour reprendre votre mot préféré, qui est le nazisme, la guerre au dehors. Et donc toute la question que je pose, et que précisément ne posez pas ce mot de pervers narcissique, c'est comment penser le changement d'échelle entre la violence conjugale et la violence politique? Quel est le lien entre ce méchant mari et Donald Trump, par exemple, ou Vladimir Poutine lorsqu'il envahit l'Ukraine en disant qu'ils sont nazis, c'est-à-dire que l'Ukraine est nazie, c'est-à-dire en inversant, ce qui est un des mécanismes fondamentaux du gaslighting, en inversant la victime. Oui. Et par exemple, si moi, quand Poutine dit ça, je vais sur Internet pour voir, pour essayer de vérifier les allégations sur pourquoi les Ukrainiens pourraient être qualifiés de nazis, je suis gaslighté, en fait. Il retourne mon cerveau. Oui, tous ceux, par exemple, qui se font avoir, selon moi, par le terme de post-fascisme, qui a été inventé par un authentique almirante, ministre de Mussolini, qui a réapparu en 1946 comme une fleur pour créer le MSI, et qui a fait ce tour de passe-passe, qui est originellement un gaslighting extraordinaire. Il a dit: tous ceux qui sont nés après le régime mussolinien sont des post-fascistes. C'est-à-dire tous les vrais fascistes comme lui, qui avaient contribué aux lois raciales, qui ont entraîné la déportation des juifs italiens, etc. Tous ceux-là sont des post-fascistes. On sait bien que l'équipe de Trump est allée d'ailleurs en Italie, aussi pour ramener du matériau idéologique. Là, qu'est-ce qu'une post-vérité? C'est un mensonge, une post-vérité. Tout simplement, oui. Donc finalement, toute cette question-là, elle porte sur le langage, c'est-à-dire la dénaturation, la défiguration, la destruction du langage humain. Il y a aussi, évidemment, une critique du patriarcat qui sous-tend ce gaslighting. Pourquoi c'est la femme qui est victime de ça ? Pourquoi c'est l'homme qui se montre sadique et qui... Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est qu'on a, avant le gaslighting, on avait eu les faits alternatifs, on avait eu cette notion de post-vérité, etc., etc. Moi, je pense que le gaslighting donne sens à toute cette constellation, en fait, de mots. Effectivement, il se fonde originellement... Enfin, ça repose originellement sur une expérience collective des femmes. La question des fake news, la question de la destruction de la notion de vérité dans notre époque, et c'est ça le sens politique qu'a le mot gaslighting, il dit quelque chose de la mise en doute de la notion de vérité. Cette question-là, en fait, dans les fake news, etc., elle renvoie à la crédulité. C'est-à-dire comment un peuple est capable d'avaler, d'acheter, comme disent les Américains, un mensonge aussi énorme que, par exemple, Trump, pour citer un de ses mensonges les moins pires, comme disent les enfants, va dire qu'il fait hyper beau pendant son discours d'investiture, alors qu'il pleut à torrent. Et son conseiller dit « Je pense que parfois nous pouvons être en désaccord avec les faits ». Phrase quand même extraordinaire pour redéfinir la notion contemporaine de vérité selon dans le régime de la post-vérité. Mais en réalité, la question philosophique que pose le gaslighting, et pour moi est cruciale, c'est la question de la crédibilité. C'est-à-dire pourquoi des millénaires de femmes, si on remonte avant le film de George Cukor, ont pu croire à un scénario finalement, je pense qu'on va le préciser, mais aussi idiot que celui du gaslighting, qui consiste à dire à une femme... Je te trouve un peu fatiguée. Tu devrais peut-être arrêter de travailler. Où est-ce que t'as mis le cadeau que je t'ai offert? Évidemment, le mari a subtilisé le cadeau. Tu perds beaucoup de choses en ce moment, etc., etc. Pour en arriver à parle moins fort. Tu es hystérique. On se calme, etc. Tout régime de phrases que nous connaissons tous, particulièrement les femmes, par cœur. Eh bien, précisément parce que à l'origine, si l'on remonte l'antiquité grecque, je bégaye comme Ingrid Bergman dans le film, la crédibilité de la parole féminine, elle est attaquée dès l'origine avec la figure de Cassandre. C'est-à-dire que la crédibilité de la parole de la parole de la femme, originellement, n'a pas la crédibilité que celle de l'homme a automatiquement. Voilà pourquoi les femmes tombent dans le panneau du gaslighting. Après, bien sûr, c'est une expérience collective, mais je pense qu'elle s'adresse à beaucoup plus qu'aux femmes elles-mêmes. Contrairement aux colibés, aux avanies, aux balivernes de Jean Foutre qu'il colporte à mon sujet dans le but avoué de piquer ma place afin de travailler en intérieur au chaud et mieux payé, il n'y a qu'une personne autour de cette table qui est complètement à la rue et ce n'est pas moi. Quentin, chaque jour vous allez à la rencontre des passants pour les interroger sur notre thème et aujourd'hui je me réjouis car vous avez dû bien galérer comme il faut. Oui, je suis sorti dehors plutôt deux fois qu'une. Lundi soir, en sortant du RER au pied de Notre-Dame de Paris, j'arrête les gens au hasard. Caroline est adossée sur le pont à la pierre blanche. Elle me sourit en me regardant faire. Elle a 36 ans, elle est journaliste. J'ai fait 10 ans de BBC au Sénégal et à Londres et je suis rentrée en France il y a un peu plus d'un mois. Enchantée, Quentin, lui, est responsable des micro-trottoirs de Zoom Zoom Zen depuis 13 mois. Elle me demande notre mot du jour, ça tombe bien, un anglicisme. Oh, le gaslighting. Ah, je ris, mon Dieu, je ris. Pourquoi ? Pourquoi ça vous fait rire à ce point ? Mais parce que c'est un mot qu'on utilise beaucoup en Angleterre, où j'ai passé 6 ans, notamment dans les relations... amoureuse. C'est un mot qu'on utilise en France, ça ou pas ? Parce que je me suis toujours demandé justement comment le traduire en français. Ah oui, gaslight, littéralement lampe à huile, nous voilà bien avancés. Alors elle s'essaie. Bah bon, dans ma petite réflexion à moi sur comment traduire ce mot, plusieurs fois je me suis dit que ce serait peut-être l'équivalent de l'écran de fumée. Quand tu te prends la tête avec quelqu'un et que tu te plains de quelque chose... tu dis le problème est là et qu'il essaye de t'emmener sur un autre terrain où il mentionne quelque chose de totalement différent et du coup ça te déstabilise. Je lui demande si ça lui est déjà arrivé. Non mais je vais pas parler de ma vie privée, mais donc j'étais dans une relation avec un Anglais et au début de la relation, des amis m'ont dit, qui étaient britanniques, m'ont dit « le gars te gaslight ». Et j'étais là « mais non, il est sincère ». Et voilà, ça paraît sincère. Mais justement, c'est pour ça qu'en Suisse on se laisse entraîner sur un autre terrain, parce qu'on y croit, parce qu'on commence à douter de nous-mêmes et à se dire qu'on est folle. Parce que l'autre est droit dans ses bottes. Une situation vécue dans sa vie personnelle, mais qu'elle a aussi retrouvée sur son lieu de travail. Je peux le dire, hein, je travaille à la BBC. C'est très commun dans le management anglais de mentir pour éviter les tensions. Et je me suis retrouvée face à des managers qui disent blanc un jour et qui disent noir le lendemain et qui ensuite vous disent « mais non, mais j'ai jamais dit ça ». Et parce que ça n'a pas été enregistré, parce qu'il est illégal d'enregistrer, on vous le dit. Comment vous avez réagi, vous ? Vous êtes endurcie ? Sur le coup, ça m'a un peu foutu à plat. Mais je pense qu'avec le recul, ça m'a clairement enseigné des choses, ouais. Léa et André, son pote, ils sont en pleine balade, je les arrête pour parler de... Le gaslighting. Ah oui, gaslighting, j'ai entendu parler de ça. Le mot de la semaine, gaslighting, cet anglicisme désignant une forme de manipulation mentale, fait son entrée dans le lexique féministe français. Mais c'est essentiellement pour les hommes ? Tu vois, c'est les hommes qui font ça, en fait, souvent, c'est ça, c'est les hommes qui retournent le cerveau de leur copine, bah, compagne. Ils disent que c'est le plus souvent pour une femme, mais... Je crois que ça se fait même entre deux femmes. Hein. Pour André, l'article dans Elle de la semaine dernière est très clair. Ah oui, jusqu'à là. Passer pour folle, ah ouais, c'est ça. Okay. Est-ce que j'ai vu pas mal de screens sur les réseaux sociaux où justement, après même voir des TikTok de gens qui font exprès d'envoyer des messages comme ça. Enfin, c'est aberrant en fait, la manière dont quelqu'un essaie de retourner le cerveau de la personne et. Bah, c'est grave, quoi. C'est de la manipulation, c'est absolument dégueulasse. Quoi. C'est vrai que sur les réseaux sociaux et surtout sur TikTok, on peut trouver de nombreux exemples flagrants de gaslighting. Cybale est franco-américaine, elle fonce vers le restaurant où elle est attendue. Le gaslighting. Enfin, moi, je sais même pas ce que c'est. Et j'entends ça de partout, aux États-Unis, ici en France, de partout. J'en sais rien. Avant de la laisser partir, je lui montre votre livre, Hélène Frappa. Et nous parlons du film Gaslight, sorti en 1944, qui est sur la couverture et ce mot qui résonne avec notre époque. Ok, donc il essaie de manipuler une femme en manipulant l'environnement, quoi. À mon avis, on essaie un peu trop aujourd'hui de catégoriser chaque instance dans la vie. Pourquoi est-ce qu'il faut mettre un côté un peu féministe, je sais pas quoi exactement avec ? Oui, moi j'ai un problème de tout nommer, quand c'est vraiment une expérience humaine. Alors, tout catégoriser, est-il le bon choix ? Justement, elle marche en regardant son téléphone, dernière rencontre, les cheveux, les sourcils décolorés, blond platine. Eva, étudiante en art plastique, découvre... Le gaslighting. Ça vous parle, vous connaissez ? Moi ma mère, elle me gaslightait, genre, elle était en mode... Tu te rappelles quand t'as dit ça ? Alors que pas du tout, j'avais pas du tout dit ça, et elle était en mode... Ouais. Ça m'a fait du mal, hein. Tu te rappelles quand tu l'as fait ? Et j'étais en mode... Mais j'ai jamais dit ça, pourquoi tu fais ça ? Ou alors la personne peut te dire, mais tu te rappelles quand j'ai dit ça ? Pour te faire passer pour la personne qui n'écoute pas en face ou des trucs comme ça. Après le gaslight en amour au travail, le gaslight parent-enfant est pas mal revenu dans mes rencontres. Alors faut-il prendre en compte ce mot qui s'invite dans nos conversations en 2023 pour qualifier un comportement toxique dans notre entourage, tout contexte confondu ? Je me dis qu'en l'identifiant, on n'a pas grand-chose à perdre. Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Gaslighting, le mot est encore rare, en France en tout cas, pas la pratique. Zoom sur cette forme de manipulation qui consiste à faire croire à quelqu'un qu'il est fou. Avec vous, Hélène Frappa, autrice, je le rappelle, d'un livre qui vient de sortir, Le Gaslighting ou l'art de faire taire les femmes. On vient d'entendre Eva qui dit « Ben moi, je me suis fait gaslighter par ma mère ». La manipulation, le gaslighting s'invite aussi dans la relation parent-enfant, c'est possible ça ? Bien sûr, puisque c'est... Il s'agit de, comment dire... Alors moi je voudrais revenir au début sur la première que j'ai beaucoup aimée. Je trouve ça génial ce rire par lequel ça commence, parce que mon livre finit par le rire, hein, ça finit par un dernier chapitre qui s'appelle Rire avec Antigone, et je pense que le rire, ce que j'appelle l'ironie, c'est-à-dire une manière de traduire finalement ce langage de manipulation pour le retourner contre celui qui l'a employé, c'est probablement une arme, c'est la plus grande arme d'émancipation. Il s'agit d'enfumer. Hein, on pourrait dire, on parlait je crois qu'une propose écran de fumée, c'est la même d'ailleurs, écran de fumée. Donc oui, c'est de l'enfumage, on peut dire. Moi, ce que je propose, c'est un outil d'élucidation. Élucidation, originellement, c'est lux, la lumière. Là, il s'agit d'obscurantisme, littéralement. Hein, on est en plein dans des débats sur la question de l'obscurantisme. Le gaslighting est une des armes. Donc bien entendu qu'il est possible d'être complètement gaslighté. C'est pourtant pas drôle. Caroline, elle dit qu'elle aurait dû enregistrer sa conversation avec ses patrons. C'est le lien entre la violence et le mensonge. C'est le lien entre... Voilà. Ah d'accord. Qui Moi, je pense que ce que... Évidemment qu'il faut mettre des mots et qu'il faut les trouver. La question, c'est que quand des hommes politiques, hein, dont des hommes politiques français, vont employer le même mot pour dire une chose et son contraire, ou vont dans la même phrase nous dire « Mais non, il n'y a pas de violence policière. Mais s'il y a eu violence, elle a été une violence contre les manifestants. » Le citoyen qui entend cette phrase, en l'occurrence moi dans ma cuisine écoutant France Inter le matin, devient dingue. Mmh. Puisque le mot violence prend trois sens différents. Et ça c'est vraiment du gaslighting, c'est-à-dire que c'est un type de raisonnement qui d'un point de vue, disons du point de vue de la logique aristotélicienne de base, on ne comprend plus rien à ce qui est dit. Donc c'est là où la question vraiment politique elle est cruciale. Mais non. Pour revenir aux relations, est-ce qu'on peut se dire que le gaslighting peut définir des relations de violence conjugale aussi, aller bien plus sûr, loin? Bien sûr. En Angleterre, où pour le coup, ils ont, enfin, en Angleterre comme en Espagne, où il y a un dispositif de lutte contre les violences conjugales beaucoup plus efficace qu'en France. Evan Stark a inventé le terme de contrôle coercitif, hein, dont le gaslighting est l'une des étapes. Et précisément, ça a donné lieu à des dispositifs d'aide. Bon, c'est très important cette question parce que ça pose la question du témoin. C'est-à-dire que le gaslighting, ça se fait à deux. Donc évidemment, dans le mariage, on est deux, il n'y a pas de témoin. Entre parents et enfants, on est coincé, on est deux, l'enfant, il n'a pas de témoin. Donc ce sont des lieux où précisément, entre là, elle parlait du patron et de l'employé, où il n'y a pas d'enregistrement. Bon, on est piégé à deux, on s'en sort à trois. Donc il faut un témoin. Et beaucoup d'associations de lutte contre les violences conjugales, d'ailleurs, préconisent de tout noter, c'est-à-dire de tenir un journal. Et le journal aussi peut servir de témoin. Sur l'importance d'une tierce personne face au gaslighting, on va y revenir dans la dernière partie de l'émission. Comment ne pas tomber dans le piège du gaslighting? Comment repérer un gaslighter? Comment échapper à la manipulation? On continue d'en parler avec notre invitée Hélène Frappa. On verra notamment en quoi ce mot peut être intéressant pour renforcer le combat féministe, on l'a déjà évoqué, juste après un autre combat plus important encore, le combat du Zoom Zoom Test. Manon et Quentin affûtent leurs neurones en écoutant The Kills, New York sur Inter. Stay. Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël. Je pensais m'en tirer car le terme n'était pas connu en France, faire croire à Manon et Quentin qu'ils étaient fous, alors que c'est juste les règles du quiz qui sont folles. Maintenant qu'ils connaissent le principe du gaslighting, je suis démasqué, jouons néanmoins, en toute connaissance de cause, au Zoom Zoom Test. Aujourd'hui, je vous entraîne dans un lieu que je connais bien. J'y ai moi-même séjourné, à la demande de mes collègues, pour une cure de 7 jours baptisée « Reconnexion avec le réel » suite à l'épisode dit du mur. Bienvenue là où finissent, malgré elles, les victimes du gaslighting, parfois l'hôpital psychiatrique. Aujourd'hui, et la prise en charge des patients fait toujours l'objet de moult débats, mais à la lumière de ce quiz, vous allez réaliser qu'on a quand même fait de très gros progrès. Prenons par exemple le cas de la nymphomanie. Car oui, à une époque pas si lointaine, fin 19e, la nymphomanie était considérée comme une maladie. Heureusement, les temps ont changé et Manon n'est pas tenue de suivre un traitement. Mais auriez-vous vécu à la fin du 19e que ça n'aurait pas été la même histoire du tout? À l'époque, les femmes aux mœurs légères, en gros celles qui avaient le malheur de vivre leur vie comme les hommes, étaient souvent dirigées par leurs proches vers un institut psychiatrique. Et là, les attendait Charcot. Jean Martin, de son prénom, était le neurologue en vue. Ses thèses faisaient autorité à tel point qu'on créera même pour lui, en 1882, la première chaire mondiale de neurologie. Bref, il était suite au fait de sa carrière, un peu comme Cyril l'année dernière quand sa chronique média était encore à 9h04. Manon, Quentin, d'après vous, si vous aviez le malheur d'aimer un peu trop la gaudriole en 1885 et que vous étiez une femme, parce que les hommes, eux, pouvaient choper la syphilis tranquille en maison close, quel sympathique traitement préconisé par Charcot vous attendait ? Douche glacée au bromure ? Voilà. Compression des ovaires ? Ou injection de radium ? B. C. Pour vous, Quentin, c'est plutôt le radium. Ouais. Putain, voilà, on s'en va au moins, comme ça. Après, elle survit pas longtemps, c'est très bien. Non, réponse B, bonne réponse de Manon Mariani. Oui, autant Charcot, ce brillant neurologue, n'avait jamais pensé à un dispositif de compression des testicules pour soigner, par exemple, les violeurs. Exactement. Autant, il a eu l'idée d'une ingénieuse ceinture pour calmer les ardeurs des femmes soupçonnées de nymphomanie. Comme c'est l'heure du goûter, je vous passe la description, mais disons qu'il y avait des petites tiges en acier un peu partout, destinées à rentrer à l'intérieur. Un objet qui, heureusement, n'existe plus aujourd'hui, sauf peut-être dans le coffre à jouets SM que Cyril conserve dans sa cave pour ces soirées entre amis avertis. Attention, top ! Quittons la neurologie française de ce 19e siècle moyenâgeux pour découvrir la neurologie américaine de l'entre-deux-guerres à Hollywood. Enfin, les femmes peuvent vivre leur vie sereinement, sans risquer d'être gaslightées par leur mari ou de vieux producteurs moustachus. Enfin, elles peuvent être libres et assumer leur sexualité joyeusement. Non, je déconne. Manon, Quentin, je vous présente Frances Farmer, qui fut une actrice célèbre de la Paramount à la fin des années 30. Sa maladie ? Refuser les rôles de femmes naïves qui lui étaient systématiquement proposés. Maladie grave et visiblement incurable, puisque sous la pression des studios, sa mère finira par la faire interner. D'après vous, de quelle nouvelle méthode révolutionnaire sera-t-elle la cobaye ? Frances Farmer sera l'une des premières à goûter aux joies des électrochocs ? Frances Farmer sera une des premières à goûter aux joies de la lobotomie ? Ou Frances Farmer sera l'une des premières idoles de Mylène Farmer, dont le nom de scène est un hommage à cette femme gaslightée de bout en bout ? Vous n'avez pas la bonne réponse, donc vous n'avez toujours pas la bonne réponse. Ah, B non plus. Voilà, c'est complètement raté, personne n'a le point. C'était les réponses B et C. Oui, vous ne connaissiez pas le destin tragique de Frances Farmer, mais Mylène, oui. Puisque c'est effectivement après avoir découvert son histoire que Mylène Farmer optera pour ce pseudo. Ah bah, il faut avoir une culture musicale, après ça j'y peux rien. Fun fact, son premier succès à Mylène Farmer, Maman à tort, est justement inspiré de l'internement de l'actrice dont je vous ai parlé en hôpital psychiatrique. Vous le savez, Mathieu, vous êtes fan, non, de Mylène ? Évidemment, je suis un grand fan de Mylène, je suis à tous ses concerts. Enfin, Dieu soit loué, on s'est rendu compte très vite que la lobotomie était une aberration. Enfin, très vite, pas assez vite pour une femme née dans une famille extrêmement célèbre. Top ! Je suis la sœur d'un des hommes les plus célèbres du XXe siècle. Un homme qui a consommé des femmes à la chaîne et qui aujourd'hui, dans un monde post-MeToo, aurait une main courante au cul par jour. Dans la famille, c'était certainement lui qui aurait dû voir un psy, mais c'est moi qui en ai vu, et beaucoup. En cause, mes soi-disant crises d'hystérie. En fait, c'est surtout mon indépendance d'esprit et mon intérêt pour les garçons qui inquiètent mes parents. En 1941, mon père décide seul de me faire lobotomiser, convaincu que ça me permettra d'augmenter mon QI et donc de me rendre aussi parfaite que le reste de la famille. Résultat, je me retrouve avec l'âge mental d'un enfant de 2 ans, si bien que ma famille passera les 30 prochaines années à cacher mon existence afin de ne pas ternir le blason de réussite accolé au nom de notre famille. Mon frère, ce président des États-Unis si cool et si libéral ne viendra jamais me rendre visite ni ne mentionnera jamais mon existence. Je suis la sœur de Kennedy. La sœur de Kennedy, bonne réponse de l'invité qui remporte le quiz. Comme ça, sur le fil, à la gaslighter de génie, John Fitzgerald Kennedy. Sa sœur, c'était Rosemary Kennedy. Alors, elle a été institutrice timide dans le Wisconsin, fuyant les caméras, bénévole admirable en charge d'orphelins en Népal ou déficiente mentale dès la naissance. Suite à une méningite spinale, les Kennedy ont tout inventé, toutes sortes de mensonges, pour justifier la disparition de cette sœur encombrante. Ce n'est que dans les années 90 qu'à l'issue d'un dîner trop arrosé à Blériot's, un ancien garde du corps des Kennedy, Cyril the Career, révélera ce terrible secret de famille. Victoire, eh ben, de notre invitée, Hélène Papa. Oui. Elle le mérite. Le gaslighting, ou l'art de faire taire les femmes, c'est le livre que vous publiez, Hélène, aux éditions de l'Observatoire. On va maintenant se pencher sur la deuxième partie du titre. Le gaslighting est aujourd'hui un mot qui ressort dans le lexique féministe. Qu'est-ce qu'il apporte, ce mot, de nouveau à la lutte des femmes contre les comportements sexistes et le patriarcat ? C'est une nouvelle arme, ce mot ? Oui, je pense qu'il permet, d'abord c'est un outil d'élucidation, c'est une arme critique. Elle a permis, alors là vous citiez la sœur de Kennedy, on pourrait citer, comme je le fais dans le livre, Martha Mitchell, hein, qui a permis de révéler publiquement le scandale du Watergate, qui a été interné abusivement, puisqu'un psychiatre, même après sa mort très précoce, a parlé de l'effet Martha Mitchell, c'est-à-dire ce biais sexiste par lequel beaucoup trop de femmes vont être internées, décrétées folles, etc. etc. Elle a été d'ailleurs surnommée la Cassandre du Watergate, etc. Donc ce terme, en fait, permet de synthétiser d'abord, vous citiez Charcot, cette élucubration qui est l'hystérie, hein, car c'est une élucubration qui remonte à des traités d'anatomie, en réalité c'est bien avant Charcot, de l'Antiquité, qui décrétait que la femme avait deux bouches. En fait, tout le problème vient de là, c'est qu'originellement, la femme a deux bouches. La bouche et l'utérus, qui sont connectés donc, dans les traités d'anatomie grecque, et sur beaucoup de ces traités, on voit un verrou qui verrouille aussi bien la bouche que le sexe féminin, du coup. Et c'est cette cacophonie, hein, c'est-à-dire ces deux bouches qui parlent en même temps et dont la voix, si on lit à peu près tous les, enfin, tous les nombreux adjectifs qui vont considérer cette voix, parce qu'il y a un genre du son, en fait, il y a un genre de la voix. C'est-à-dire avant même que la parole de la femme, le logos, soit condamnée, Aristote va dire les voix aiguës, hein, les voix des femmes, les voix des homosexuels, les voix des eunuques, les voix des jeunes gens entretenus par des hommes plus âgés, je continue les élucubrations aristotéliciennes, n'ont pas de suprématie. Hein. C'est-à-dire, ils passent directement à la conséquence politique qui va être mise en œuvre, par exemple, dans les lois de Solon, et qui fait qu'il y a une interdiction de que cette voix soit publique. Donc, en fait, le concept de gaslighting permet à la fois de réunir cette question de la pseudo-folie, hein, de cette manière d'interner, de mettre à part, de reléguer. Ça permet de comprendre la relégation, et ça permet aussi, en pigeant, disons, ce scénario qui est vraiment complètement idiot, encore une fois, hein, c'est-à-dire, je pense que toutes les femmes le connaissent, et ce qui est assez déchirant, moi, quand j'écrivais ce livre et que je me rendais bien compte que personne ne comprenait ne savait ce que c'est que le gaslighting en France, que quand je commençais juste c'est-à-dire, je te trouve un peu fatiguée, etc., etc. Bref, là, on comprend de quoi vous parlez. Voilà, tout de suite. À faire le Charles Boyer avec Ingrid Bergman. Et je voyais une lueur d'effroi passer dans le regard de chaque femme, alors c'est qu'avec bien, un homme, le regard est vide. Mm-hmm. Sauf si on dit à l'homme, dis ça ce soir à ta femme quand tu rentres. Et là, l'homme se récrie, oh, on va s'engueuler. Ah oui. Voilà. Vous parlez des femmes, mais toutes les femmes ne sont pas non plus victimes de gaslighting. C'est structurel. En fait, il y a plein de maris qui sont super, qui sont charmants, qui sont sympas. Il y a des femmes folles, ça existe. Il y a des femmes méchantes, ça existe. La question que je pose n'est pas une question de psychologie. Question de psychologie qui, pour moi, est tout de suite articulée avec une forme de moralisme. C'est-à-dire, ma question, c'est pas pourquoi le mari, dans le film, il est méchant. Et pourquoi, par ailleurs, il y a des maris qui peuvent être gentils. La question, c'est la structure du mariage traditionnel, qui, depuis l'origine, n'est pas une conversation à part égale qui permet l'égalité dans cette relation, qui permet un respect mutuel, au point que le grand poète Milton, John Milton, poète anglais au XVIIe siècle, a adressé une supplique au roi d'Angleterre en lui disant, supplique pour le divorce, en disant il faut sortir du mariage chrétien car ce n'est pas une conversation. Donc c'est une longue question en fait. Elle est, comme on le dit aujourd'hui, systémique. Et je pense, c'est pour ça que les histoires de pervers narcissiques, moi, je trouvais ça... c'était au fond un alibi du libéralisme. C'est-à-dire, on en revient toujours à... C'est ton problème, c'est l'individu, machin et tout, puis soigne-toi, et puis si t'as pas de mutuelle privée, machin, tu t'arriveras pas à te soigner, ça tombe bien, il y a plus d'hôpital public, etc., etc. La question, là, elle porte sur le type de société qui produit cette forme de relation, qui produit ce type de mariage, elle porte sur la norme, en fait. Mais... Et la norme, elle est pourrie de ce point de vue-là. Oui, la norme, elle consiste effectivement encore maintenant à interner abusivement, à qualifier d'hystérique des femmes alors que ce concept n'a jamais existé, à faire appel à l'anatomie. Hélène, je suis désolée, on a vraiment très peu de temps. Je suis intarissable pour une femme. Vous êtes intarissable et je voulais juste qu'on fasse un dernier point sur Donald Trump, puisqu'on a. Oui, on a quel est le lien? Parce qu'on est parti de l'échelle de familiale, oui. On monte à Donald Trump qui aurait gaslighté un pays, lui. Absolument. C'est absolument crucial. Donc, premier temps, le film. Deuxième temps, ça devient un concept de psychologie aux États-Unis dans les années 60. Troisième temps, l'élection, la première campagne électorale, 2016 de Trump. Les analystes politiques disent il est en train de gaslighter tout le pays. C'est-à-dire, il est en train de détruire la notion même de vérité, ce que Hannah Arendt appelait les vérités factuelles, et d'introduire ce que j'étudie dans mon livre, c'est-à-dire une forme de négationnisme, qui est un des dangers contemporains. Je parle évidemment du délit réprimé par la loi Guesso, de la négation des crimes contre l'humanité définie par le tribunal de Nuremberg, mais qui s'applique dans plein de cas. Je n'arriverai pas. Vous n'arriverez jamais au bout de votre pensée. Je vous l'annonce parce qu'on est pris par le temps. C'est passionnant, mais il faudra lire le livre. Le gaslighting ou l'art de faire taire les femmes. Vous comprendrez tout. Vous écoutez France Inter, il est 16h47. Dans quelques instants, c'est Tania Dutel qui viendra pimenter notre fin d'émission. Mais d'abord, je me tourne vers Manon Mariani, puisque, ma foi, Manon, c'est l'heure d'écouter votre chronique sur les réseaux sociaux. Heureusement que vous êtes là, parce que moi, j'y vais pas beaucoup. Oui, et cette fois-ci, aujourd'hui, je vous parle de deepfake. Mais alors, pas de deepfake vidéo, pas de deepfake photo, mais de l'émergence des deepfakes audio. Alors, je rappelle de quoi on parle. Le deepfake est une technique qui consiste à superposer des images différentes entre elles pour créer une fausse image. Elle sort tout droit des intelligences artificielles et circule beaucoup sur les réseaux. On a par exemple vu des fausses vidéos de Barack Obama qui insulte Donald Trump ou des faux nudes de célébrités où leur visage a été mis sur des corps d'actrices pornographiques. Et avec la multiplication des IA, cette technique est donc aussi utilisée pour créer de faux enregistrements audio. Exemple, début octobre, un enregistrement de Keir Starmer, le chef du parti travailliste anglais, apparaît sur X. Tendez l'oreille. Just shut your fucking mouth. Fucking idiot. On l'entend insulter son équipe de façon très virulente, comme s'il avait, il avait vraiment été enregistré à son insu avec l'ambiance qui va avec. Alors assez rapidement, cet audio a été identifié comme un deepfake par des agents spécialisés dans l'IA. Mais le mal est fait, car le tweet qui partage ce deepfake est vu plus de 1,8 million de fois. Il a été posté d'un compte anonyme qui parle de Starmer en disant « Cet harceleur va devenir notre prochain Premier ministre ». Anonyme qui a bien calculé son timing puisqu'il a tweeté cet enregistrement le premier jour de la conférence annuelle du parti travailliste. Je précise que c'était il y a 10 jours et que le tweet n'a toujours pas été supprimé. Mais ça, c'est un fait isolé ? Eh bien non, car un mois avant, c'est en Slovaquie qu'il s'est passé la même chose. Pendant les élections législatives, le leader du parti progressiste, Michal Semeka, est aussi victime d'un deepfake audio posté cette fois-ci sur Facebook. On l'entend avoir une conversation avec une journaliste où il dit qu'il va truquer les élections. Les deux protagonistes ont réagi en disant qu'il s'agissait d'un deepfake qui a été ensuite confirmé par l'AFP. Mais là encore, le timing était bien calculé car l'enregistrement avait été posté 48 heures avant le second tour de l'élection. Résultat, il l'a perdu alors que les sondages le donnaient gagnant et l'audio est toujours disponible sur Facebook. Mais la question, c'est pourquoi ces contenus restent en ligne ? Mais parce qu'il est facile d'identifier des deepfakes vidéo, mais il est très compliqué d'identifier des deepfakes audio. Quand il s'agit d'images, on peut toujours recontextualiser, les personnes concernées peuvent prouver qu'elle n'était pas sur tel lieu à tel moment. En plus, il y a toujours des petites incohérences au niveau visuel, un coin de bouche un peu déformé, un mouvement de lèvres pas synchronisé, etc. Et puis, les images deepfakes sont aussi interdites sur Facebook, donc ça limite l'impact. Mais ces règles ne semblent pas s'appliquer pour les audios, en tout cas, pas pour le moment. Là, par exemple, il n'y a rien qui indique qu'il s'agit de deepfakes. Alors, ça dépend, comme d'habitude, hein, sur quelle plateforme. Sur Facebook, il y a des modérateurs qui fact-checkent les contenus. Une fois que c'est fait, une étiquette l'indique. S'il s'agit d'un deepfake, il est dit que le contenu a été modifié de sorte à induire les gens en erreur, à chacun d'être libre ensuite de savoir s'il veut le voir ou pas. C'est ce qu'il s'est passé pour les faux enregistrements du politique slovaque. Alors sur X, c'est toujours très compliqué vu que la modération y est inexistante depuis l'arrivée d'Elon Musk. Il a néanmoins mis en place le système des notes, hein, dont je vous avais parlé, qui indique sous un tweet s'il y a un risque de se faire manipuler. Résultat, ça ne fonctionne pas toujours car pour le deepfake audio de Starmer, rien n'est indiqué. Quant à TikTok, ils ont modifié leur politique concernant les deepfakes. Elle doit forcément être identifiée comme telle. Si ce n'est pas le cas, elles sont supprimées. Ça a été le cas pour les deux audios dont je vous ai parlé. Mais tout ça pose quand même beaucoup de questions. Car si les deepfakes audio sont plutôt bon enfant quand il s'agit de chansons, quand il s'agit de faux enregistrements de personnalités politiques, bah, ça peut devenir quand même très très dangereux, notamment dans le contexte actuel et quand on pense aux élections américaines qui vont se dérouler dans un an. Si les campagnes de désinformation reprennent de plus belle, notamment celles menées en grande partie par Donald Trump, les deepfakes audio pourraient devenir un véritable outil. Il faut donc que les plateformes s'y préparent dès maintenant et qu'on ait tous conscience de ce qui arrive. On est décidément gaslighté de tous les côtés en ce moment. Merci Manon. Ultime pause musicale, laisse-moi. Voici Otis Kerr sur France Inter. Je ne suis pas d'humeur, tes mots sans arrêt se perdent dans le bruit. Zoom Zoom Zen sur France Inter. L'humour est un exercice difficile, piégeux, mais il faut reconnaître que tout est beaucoup plus facile quand on vous fournit des thèmes à gros potentiel déconnant, comme le gaslighting. Bonjour Tania Dutel. Oui, c'est hilarant, bonjour tout le monde. La santé est bonne? Ça va. Incroyable nouvelle. Alors, donc le gaslighting, hein, c'est un procédé de manipulation qui consiste à inverser les rôles de coupable et victime. C'est un lavage de cerveau qui fait perdre à sa victime tous ses repères afin que le manipulateur prenne l'ascendant. Alors avant, entre nous les femmes, on parlait tout simplement de connard. Ensuite, il y a eu le pervers narcissique, hein, à chaque fois qu'une relation partait en autre boudin. Je racontais les détails à mes copines, c'est toujours un pervers narcissique. Et moi, je disais, mais non, il va pas très bien en ce moment. Et en vrai, il représente que 2 à 3% de la population. J'aurais quand même vraiment pas eu de bol, quoi. Enfin, c'est statistiquement très improbable. Et ce sont les mêmes copines, hein, qui diagnostiquent leur enfant HPI aujourd'hui. Le gaslighting existe aussi dans le médical. Tes symptômes ne sont pas pris au sérieux par des professionnels et ça peut mener à des erreurs de diagnostic. Et il semblerait que ça touche principalement les femmes. Peut-être parce qu'on est obligé d'apprendre à souffrir en silence. J'ai été victime moi-même de gaslighting dans un hôpital. Revenons la veille au soir. Je rentre chez moi. J'ai très très envie de faire pipi. Je me déchausse, je cours aux toilettes et en fait mon pied se prend un angle de... Voilà. Et en fait le petit orteil ne suit pas le reste du pied. Donc ça craque et je dis rien en pleurant. Je vais me coucher et le lendemain je pose le pied à terre, les larmes ont coulé. Je vais à l'hôpital. Celui qui fait les enregistrements me demande ce que j'ai et je me dis que l'histoire de l'urine est trop longue. Donc je dis simplement je crois que mon orteil est fracturé, il m'a rié au nez. Ah donc vous vous autodiagnostiquez et la radio a bien montré deux boudos qui voulaient plus être associés. Hein. J'avais envie de lui montrer en disant alors non, je ne me suis pas autodiagnostiqué HPI mais une fracture à long. En fait pour qu'il me prenne au sérieux, il aurait fallu que j'arrive en rampant et que j'hurle j'ai mal à mon pied. Hélène Frappa, vous avez publié un livre qui se nomme Le gaslighting ou l'art de faire taire les femmes. Vous êtes donc une experte. Et alors moi je suis très bonne pour donner des conseils à mes copines et je me plante pas mais alors pour moi nulos la honte. Je vais donc vous donner des exemples. Et ensuite, bon, bah, vous me direz si vous faites gaslighter. Alors, quand tu sors avec quelqu'un, alors qu'on s'entende quand je dis tu, je parle de moi, hein, je me permettrai pas de vous tutoyer. Quand tu sors avec quelqu'un et que la personne dit toujours on prépare à manger, on fait la lessive, on pensera à changer les draps, mais que le on désigne ta personne et que tu as l'impression qu'il va t'offrir une tenue de soubrette. Faut-il évacuer les lieux parce qu'il te gaslight ou juste c'est un gars sain qui cherche une maman? Sinon, quand tu dates un gars et qu'il te dit que pour son ex d'avant toi, il a su en emménageant chez elle que ça n'allait pas le faire, mais qu'il est resté 6 mois de plus sans rien lui dire parce que c'était plus simple pour lui que trouver un nouvel appart parce qu'on était en plein Covid, alors qu'elle était persuadée qu'ils allaient fonder une famille. Radin ou gaslight, ou les deux. Ouais, c'est peut-être un gaslighter. Et c'est pas terminé, hein, toujours le même. Quand vous vous séparez, que vous restez pote et qu'il t'annonce qu'il est content parce qu'il est dans une nouvelle relation et que visiblement, selon lui, son seul attrait, c'est qu'elle habite à la campagne et que ça lui permet de couper de Paris et de partir en week-end toutes les semaines et que, soit dit en passant, elle est ménopausée, un élément que je n'avais pas demandé. Et comme il veut pas d'enfant, ça le rassure. Pour les prochaines femmes, faut-il afficher sa photo partout parce qu'il gaslight ou c'est juste un sac à merde? Et sinon, Tania, j'ai l'impression que vous avez encore beaucoup d'exemples. Ah oui, trop Mathieu. Oui, non, on va s'arrêter là, mais je vous confirme que le dernier était un sacré sac à merde. Merci Mathieu. Je vous confirme dans vos croyances. Merci Tania. On vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom Zen. Merci Hélène Frappa. Je rappelle votre livre Le Gaslighting ou l'art de faire taire les femmes, publié aux éditions de l'Observatoire. De quoi il faut se méfier? On a vu que c'était un problème structurel. Hein. On sait que c'est très important, mais est-ce qu'à l'échelle individuelle, qu'est-ce qui doit vraiment nous alerter? Le red flag? Le problème du gaslighting, c'est qu'il faut un témoin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de red flag. Quand on est gaslighté, c'est trop tard, justement. Voilà, on a perdu tellement toute confiance. Donc, parler aux amis, parler à ses amis, raconter ce qui nous arrive pour que quelqu'un éventuellement puisse intervenir. Merci encore, Hélène Frappa. Merci à tous, les amis. Manon Mariani, Quentin Lui, Cyril Lacarrière. On va revenir ensemble à l'Open Space et je vous montrerai au niveau du couloir, vers les ascenseurs, des traces d'enduit qui démontrent de manière formelle qu'une nuit, un mur a bien été monté en urgence pour me nuire. Ghislain Fontana, qui m'a toujours cru, c'est d'ailleurs pour ça qu'il est toujours là, était à la réalisation de cette émission. Maxime Goudard à la technique. Demain, on zoomera sur la bigorexie, un mot et une maladie dont Cyril ne pouvait connaître ni l'un ni l'autre, puisqu'il concerne les gens qui font trop de sport. Quand le sport devient une drogue, rendez-vous demain 16h. Et jusqu'ici, tout va bien. Marine Bausson, Maya Mazorette, Marie Misset, bonsoir. Bonsoir Mathieu Noël, on reçoit Camille Taillefer ce soir. Oui, c'est une prof d'histoire qui trouve qu'enseigner relève d'une certaine magie. Et pourtant, elle est prof en Seine-Saint-Denis et pas à Poudlard. Et vous, Mathieu, vous avez été scolarisé? La violence de la question. Non, très très peu. L'école buissonnière, surtout. À tout de suite. À tout de suite. On est plus fort au rugby quand on est tous ensemble. Pour célébrer le collectif, GMF, sponsor officiel de la Coupe du Monde de rugby France 2023, vous offre la première année moins 15% sur votre premier contrat auto ou habitation, puis moins 30% sur les contrats supplémentaires souscrits, et ce jusqu'au 31 octobre. GMF, engagé pour le collectif. Conditions des offres sur gmf.fr. C'est si bon. Charolaise. Partenaise. À la bolognaise. À la bordelaise. À la béarnaise. À l'orléanaise. À la marseillaise. À la rochelaise. À la basquaise. À la bastiaise. À la castraise. À la piémontaise. À la saintongeaise. À la lyonnaise. À la landaise. À la mayonnaise. À la nivernaise. Façon Thérèse. À l'antillaise. À la fournaise. À la française. À l'aise. Chaud comme la braise. Chez nous, le bœuf. C'est si bon. Qu'il y en a pour toutes les bouches. Oui, oui. Le musée Marmottan-Monet rend hommage à Berthe Morisot, la première femme impressionniste. Profondément inspirée par l'héritage pictural français du XVIIIe siècle, son œuvre dialogue avec celle d'Antoine Watteau, de François Boucher, de Jean-Honoré Fragonard ou encore de Jean-Baptiste Perronneau. Venez découvrir l'origine de ses affinités artistiques dans une exposition inédite. Berthe Morisot et l'art du XVIIIe siècle, Watteau, Boucher, Fragonard, Perronneau, au musée Marmottan-Monet jusqu'au 3 mars 2024. Oh, il est bientôt, tout bientôt. Écoutez, tendez l'oreille. Oui, ils sont là, les tops à blanc. Il est 17h sur France Inter. Le point sur l'info avec vous, Laetitia Gaillet. 4 ans de détention en Iran et le retour enfin en France. On l'a appris il y a une heure, la chercheuse franco-iranienne Fariba Adelra est donc de retour à Paris, spécialiste reconnue du chiisme et de l'Iran post-révolution. Elle avait été condamnée là-bas en 2020 à de la prison. On en reparle tout à l'heure dans le journal de 18h. La guerre n'est pas terminée, mais pour la première fois depuis le 7 octobre, une première décision a été prise en matière humanitaire au Proche-Orient. À l'issue de son déplacement en Israël aujourd'hui, Joe Biden vient donc d'annoncer un accord avec Israël pour acheminer une aide humanitaire à Gaza via l'Égypte. Elle doit arriver au plus vite, a dit le président américain, qui a aussi annoncé le déblocage de 100 millions de dollars de plus pour les Palestiniens de Cisjordanie et redit également son soutien à une solution à deux États. Mais le premier des soutiens américains va à Israël avec toutefois une mise en garde. Il ne faut pas faire les mêmes erreurs que les Américains après le 11 septembre, a dit Joe Biden, qui assure également que l'explosion de l'hôpital de Gaza n'est pas le fait d'Israël. Des images aériennes et des communications mettent Israël hors de cause, assure la Maison-Blanche. 471 personnes au moins ont été tuées hier soir dans l'explosion de l'hôpital, selon le Hamas. L'aide humanitaire qui va arriver sera sans aucun doute la bienvenue, tant le territoire est aujourd'hui à terre depuis la riposte israélienne. Camille Manière a pu joindre des Gazaouis et des humanitaires sur place. Dans une bande de Gaza assiégée par l'armée israélienne, les hôpitaux ne sont plus des zones préservées des combats, comme l'exige le droit international. Voilà ce que démontre l'explosion meurtrière d'hier soir à l'hôpital Ali Arab de Gazaville, selon Mathias Kenes. Il est l'un des coordinateurs de Médecins Sans Frontières dans les territoires palestiniens. Ça nous fait très peur, hein. Ça se confirme qu'il n'y a aucun endroit qui est sécurisé à Gaza. Si aujourd'hui les hôpitaux sont menacés et sont bombardés, c'est pas possible de se réfugier nulle part. Dans les hôpitaux gazaouis, l'électricité, l'eau potable, les médicaments et la nourriture manquent déjà. Alors que l'afflux de blessés s'est encore accéléré hier soir à l'hôpital Al-Quds, où travaille le médecin urgentiste Nedal Abded. On a reçu énormément de blessés de l'explosion à l'hôpital Ahli Arab. On ne sait plus où les mettre. On a dû en opérer certains, même le sol de notre service de chirurgie. Moi, ça fait 2 jours que je n'ai pas dormi. On travaille en continu, les blocs opératoires ne désemplissent pas, et pourtant il y a toujours des centaines de blessés en attente. Le docteur Nedal Abded assure pourtant qu'il n'évacuera pas le nord de la bande de Gaza, comme l'a ordonné l'armée israélienne. Pas question pour lui d'abandonner ses blessés qui sont, eux, intransportables. Camille Magnard, au Conseil de sécurité de l'ONU aujourd'hui, les États-Unis, membres permanents, ont mis leur veto à la résolution du Brésil qui condamnait la guerre entre le Hamas et Israël et les attaques du groupe terroriste. La France, elle, a annoncé un nouveau bilan. 24 Français ont été tués par le Hamas, 7 sont toujours portés disparus, sans doute otages du groupe terroriste. Par ailleurs, d'ailleurs, la France a rapatrié 3500 de ses ressortissants. Et le Conseil d'État a rendu sa décision cet après-midi sur les manifestations pro-palestiniennes interdites en France. C'est au préfet d'apprécier si elles doivent être interdites ou non, dit le Conseil d'État. 49-3, sans surprise, Elisabeth Borne vient d'engager la responsabilité du gouvernement sur le volet recettes du projet de loi de finances qui est à l'Assemblée à l'examen aujourd'hui. La mission française, turquoise et la France n'ont pas été inactives lors du génocide au Rwanda en 94. La justice française a rendu aujourd'hui un nouveau non-lieu des associations et des rescapés accusés les militaires et l'État de complicité de génocide. Emmanuel Macron n'ira pas en Suède la semaine prochaine. Son déplacement est reporté en accord avec le roi de Suède après les attaques qui ont touché et Paris et Stockholm ces derniers jours. En France, suite au drame de Arras, le plan Vigipirate lui a été relevé. Concrètement, cela signifie par exemple le renforcement des effectifs de sécurité à la SNCF, plus 20%, a dit aujourd'hui Clément Beaune, ministre délégué au transport, Raphaël Ebenstein. Visite au pas de charge pour Clément Beaune à la gare du Nord. Pas d'incident particulier à signaler au cours des derniers jours, lui confie David, un des agents de la sûreté ferroviaire en uniforme bien reconnaissable et armé. Et alors, est-ce que depuis quelques jours, vous sentez un peu plus de tension ou ça reste calme? Plus de vigilance avec ce qui s'est passé à Bruxelles et même ce qui se passe ailleurs dans le monde, mais c'est l'habitude. Les 2800 agents SNCF de la sûreté ferroviaire seront normalement 3300 d'ici les JO 2024. Un plan de recrutement massif dont se félicite Clément Beaune. Il faut une sécurité qui soit visible, qui soit rassurante pour les usagers des transports, les millions de Français qui prennent les transports tous les jours, et qui soit dissuasive pour tous les délinquants. Et ces équipes SNCF ne sont pas les seules à patrouiller en gare pour assurer une sécurité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, insiste Cécile-Marie de Savignac. Elle est directrice de la zone de sûreté Île-de-France Nord-Est. On travaille aussi beaucoup avec les forces de l'ordre, la sécurité privée. Donc ils patrouillent en permanence au sein de la gare. Il y a une ou deux équipes en permanence. Et il n'y a pas que la présence visible. Le contrôle des bagages a aussi permis de saisir 300 armes, rien que depuis le début de l'année, sur la zone incluant la gare du Nord. Raphaël Ebenstein, il y a eu finalement 357 perturbations et contestations lundi lors de la minute de silence en hommage à Dominique Bernard et Samuel Paty. Nouveaux chiffres donnés aujourd'hui, tous ces signalements ont été transmis à la justice. Pour les cas les plus graves, les élèves peuvent être aussi expulsés de leur établissement immédiatement. Une chose est sûre, ce nouveau drame va et a changé des choses pour les enseignants. À l'occasion de cette journée spéciale sur France Inter, on leur donne la parole. Ainsi Emma, 51 ans, prof de lettres dans un collège du Val-de-Marne. Comment enseigner? Écoutez sa réponse. Pendant une année, on fait un chemin ensemble et je me dis que la manière dont je suis avec eux, ce que je leur dis, va peut-être les faire réfléchir, va peut-être les amener à se construire une pensée. Voilà, c'est ça qui me fait lever le matin et me dire tu sers à quelque chose. C'est pas tellement leur apprendre un catalogue de connaissances. C'est forger des esprits capables de réfléchir par eux-mêmes, leur ouvrir des portes et puis en même temps les faire exister en classe. Parce que je pense qu'il y a ça aussi qui est important. Bonsoir Fabienne Sintès. Bonsoir Laetitia. On a entendu tout au long de la journée ces témoignages. Vous conclurez donc ce soir avec le téléphone sonne. Et oui, de conclusion de cette journée spéciale. Enseigner, oui, mais comment? Et là encore, c'est avec vous, ami professeur, qu'on a vraiment envie d'échanger ce soir. Et vous allez nous dire un peu à l'image de votre collègue, là, comment vous faites? Qu'est-ce qu'on dit devant une classe quand les sujets qu'on évoque peuvent devenir parfois source de conflits, source de menaces ou bien pire? Est-ce que parfois il vous arrive de renoncer à parler de certains sujets qui sont trop brûlants? Est-ce qu'au contraire, vous allez au-devant des questions? Qu'est-ce que vous répondez par exemple quand on vous demande si c'est vrai que le Hamas tue les bébés? Qu'est-ce que vous répondez si on vous demande si la France est pro-palestinienne ou pro-israélienne? Qu'est-ce que c'est difficile votre métier parfois? Et c'est ce que vous allez nous raconter au 01 45 24 7000. C'est le chemin vers le dialogue avec nous pour WhatsApp. C'est le même numéro pour vos notes vocales et vos petits messages écrits. Et rendez-vous tout à l'heure à 19h20. Merci Fabienne. 17h07 sur Inter. France Inter présente Oli. Le premier podcast d'histoire pour enfants, à partir de 5 ans. Et ce mois-ci... Bonjour, je suis Lucie Rico et je vais vous raconter l'histoire du croissant de nuit. Une autre. Bonjour, je suis Jérôme Carcin et je vais vous raconter l'histoire du petit cheval ailé. Oui. Déjà plus d'une centaine d'histoires originales à télécharger sur l'appli Radio France et franceinter.fr. France Inter présente « Quels parents sommes-nous ? L'éducation positive en question ». Une conférence interactive animée par Ali Rebbi. Quels outils favorisent une communication efficace parents-enfants et que vaut aujourd'hui l'éducation positive à l'épreuve de la vie quotidienne ? Rendez-vous demain à 20h avec les invités, pédiatres, psychologues et chercheurs, pour parler parentalité et proposer des solutions pour les parents et les enfants. Une soirée unique à vivre au studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique et en direct en ligne. Informations et réservations sur franceinter.fr. Avec la MAE, le spécialiste de la protection de l'enfant et de la famille, numéro 1 de l'assurance scolaire. Enseigner comment la journée spéciale continue sur France Inter, et ça tombe bien, ça va jusque ici, tout va bien. Tout à fait. Avec les mamas, salut les filles. Salut. Bonsoir Laetitia et Gaëlle, le retour de l'actu à 18h. Dans les infos que vous n'avez pas encore entendues aujourd'hui, enfin je crois. Dans le journal Le Monde, on peut lire que selon le nouveau règlement des Community Colleges de Californie, tout professeur qui déclare ne pas être raciste est dans le déni. Pas question non plus d'enseigner au mérite, car selon le règlement, je cite toujours Le Monde, le mérite protège le privilège blanc. Oh waouh ! La section Ulysse d'une école du Bas-Rhin a accueilli un chien à la rentrée. Son nom, c'est Pirate. Et depuis qu'il est arrivé, les enfants qui présentent des troubles du spectre autistique font de très gros progrès. Et puis selon un sondage Opinionway pour Mattel, 24% des enfants de 7 à 10 ans rêvent de devenir maître ou maîtresse d'école. Vous l'avez compris, ce soir on va parler de professeurs et même avec une prof. Mais là, il est 17h08, vous êtes sur France Inter et jusqu'ici tout va bien. Bonsoir Maya. Salut Marie. Bonsoir Marine. Bonsoir Marie. Bonsoir chers auditeurs et auditrices. Ce soir dans Jusqu'ici, tout va bien, on se joint à la programmation spéciale de France Inter, Enseigner mais comment, consacrée aux professeurs de France et de Navarre. Comment font-ils pour tenir? Qu'est-ce qui les anime? Quels engagements tiennent-ils au quotidien, seuls devant des classes parfois trop pleines? Et c'est Camille Taillefer, professeure d'histoire géographie à Paul-Éluard en Seine-Saint-Denis, qui considère que son travail est d'aider les enfants à se tenir debout, qui sera avec nous jusqu'à 18h. Et il y aura la question qui sonne le début de la récré. L'école est-elle à sa place quand elle sort de la classe? Et pour parler de tout ça, on reçoit Cathy Racon-Bouzon, co-autrice du rapport « Pour une école du nous, vivre l'altérité à l'école, le pari gagnant d'une nation ». Quant à toi Marine, tu continues à bêta-tester. Absolument, et aujourd'hui on est mercredi, c'est le jour des enfants, alors j'ai testé la Cité des fourmis, un jouet super qui fait de ton enfant un petit dictateur en puissance, c'est merveilleux. Mais jusqu'ici tout va bien, c'est jusqu'à 18h, on veut vous lire et même on veut vous entendre. Pour cela c'est très simple, vous pouvez poser vos questions à notre invité Camille Taillefer ou répondre à la question interactive du jour: quel prof vous a marqué et pourquoi? Pour répondre, vous pouvez nous envoyer un texto ou un message vocal sur le WhatsApp de l'émission, on adore les messages vocaux, au 01 45 24 7000, 01 45 24 7000. Une femme qui tient debout pour donner l'exemple à ceux qui l'écoutent et une question pour sortir les élèves de classe. Jusqu'ici tout va bien, l'émission qui chahute les idées, c'est jusqu'à 18h. France Inter, Marie Misset, Maya Mazorette et Marine Bausson, jusqu'ici tout va bien. Bonsoir Camille Taillefer. Bonsoir. Vous sortez tout juste de classe, je crois. En tout cas, vous venez de l'école Paul-Éluard à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. Vous êtes prof de la matière la peut-être plus compliquée à traiter en ce moment, l'histoire et géographie. Vous avez dit un jour à La Croix, le journal, que vous considériez votre travail de prof d'histoire géographie comme un militantisme. Non pas que vous soyez militante, mais que votre boulot est de faire en sorte que les élèves soient capables de se tenir debout. C'est de là que j'ai pris la citation de notre introduction. Alors, vous êtes professeur en Seine-Saint-Denis dans des zones d'éducation prioritaires, Camille Taillefer, est-ce que c'est pareil partout d'être prof? Est-ce que c'est un métier qui s'exerce partout pareil en France? C'est une question difficile parce que je ne sais pas. c'est le seul endroit où vous avez enseigné, même si vous avez fait des... Non, j'ai enseigné à Vannes. Ça, c'était Vannes centre-ville. C'était dur. Hein, là. Il fallait quand même s'accrocher. Collège Ernest Renan, Dieu, patrie, liberté, écrit sur le fronton. Ça posait les choses. Il y avait écrit Dieu? Il y avait écrit Dieu, oui, oui, c'était... Mais on est en Bretagne aussi, c'est pas tout à fait... Enfin, je sais pas, on va pas... Attention, dans les polémiques, je sais à qui je m'adresse. Non, ce que je dis, c'est que il faudrait enseigner partout pareil, c'est-à-dire toujours de manière singulière pour chacun et chacune. Voilà. Donc, ici comme ailleurs. Voilà. Mais c'est possible en vrai? C'est possible en vrai... J'enseigne, donc c'est possible. C'est possible partout, je ne sais pas. En gros, que la loi, ce soit la singularité. Et donc, ça s'applique partout, ça fonctionne. Mais c'est ça, l'enseignement. L'enseignement, c'est bien de s'adresser à un groupe et en même temps à des singularités dans ce groupe-là, forcément. Et ben on va explorer un petit peu vos singularités à vous à travers la contre-promo qui va se plonger dans vos contradictions. On vous soumet des phrases qu'il va falloir compléter, mais à chaque fois, il y aura un mais, une petite démonstration avec Marine. Oui, par exemple, moi j'ai beaucoup aimé le podcast Tenue laïque exigée dans lequel on entend vos élèves exprimer leur opinion comme jamais on entend les élèves s'exprimer, mais ça m'a fait regretter de ne pas vous avoir eu comme prof. Trop mignon. Et toi Marie, tu as vu le documentaire infrarouge diffusé sur France 2 hier soir qui s'appelle Le collège de Monsieur Paty. Mais je l'ai regardé au bureau ce matin, pas facile pour pleurer discrètement, surtout que Marine adore quand je pleure, vrai. Ce qui est un peu gênant. C'est vrai. Cela dit, je le recommande beaucoup, ce documentaire qui est évidemment disponible en replay. Voilà, plein de mais, et maintenant c'est à votre tour Camille Taillefer. C'est parti. Amy Taillefer, vous pensez qu'il faut une parole libre entre les professeurs et les élèves, mais... Mais il parle quand même vraiment beaucoup. Maya. Vous êtes prof en Seine-Saint-Denis, mais... Mais ça pourrait être pire, je pourrais être prof à Paris. Vous enseignez depuis bientôt 20 ans, mais... Mais ça, c'est impossible parce que j'ai 28 ans. Ah oui, ça se voit. Il existe, Camille Taillefer, un véritable malaise des enseignants, aujourd'hui en France, mais... C'est un fait. Il y a beaucoup de démissions, il y a des gens qui quittent le service public. Mais on connaît une partie des solutions. Mais, On fait une journée spéciale enseignant sur France Inter, mais... Mais demain, il me tarde de la journée spéciale ado. Qui est votre quotidien, en fait. Oui, j'apprendrai sûrement des choses. Votre métier est une vocation, mais... Mais je crois pas, c'est un métier. Ah, ça veut dire que c'était pas à ça dont vous rêviez quand vous étiez enfant ? Si. Mais c'est un métier. Mais ça reste un métier. Mais c'est un métier. L'école est un levier d'émancipation, mais... Mais ça dépend qui tient le manche. La laïcité peut être vécue par vos élèves comme une tyrannie, mais... Mais aussi comme une liberté, si c'est pas un catéchisme. Et la dernière, vous êtes à l'aise pour parler de laïcité dans vos classes, mais... Mais... Y a pas de mais. Mais y a pas de mais. Vous êtes à l'aise tout simplement, voilà. Ouais, je vois pas où est le problème. Est-ce que ça veut dire que les personnes face à vous sont à l'aise ? J'ai pas de personne face à moi, j'ai des personnes à côté de moi. Oh. Ah. Merci Camille Taillefer, vous avez réponse à tout et c'est comme ça qu'on vous demande. Non. Vous n'avez pas été concentrée là. Vous êtes professeur d'histoire géo en Seine-Saint-Denis dans un département qui vous confronte tous les jours aux inégalités scolaires, à certaines incompréhensions, à un certain déterminisme aussi, aux avant-postes de la République, c'est comme ça qu'on vous présente parfois. Et pour enseigner sereinement, pour vous, le plus important, je crois, c'est la confiance. Alors comment créer un endroit où profs et élèves se font confiance ? Comment faire en sorte qu'elle résiste aux événements extérieurs à l'école. Ne répondez pas tout de suite, Camille Taillefer. On prend le temps d'écouter ce qui devrait peut-être être la vie de tous les enfants et adolescents. L'amour et l'insouciance, c'est Voyou sur France Inter. Je m'ennuie à mourir depuis ce matin. J'ai dans la tête des idées bêtes, je pense à rien. Je regarde le vide, sauf quelquefois. Où le soleil s'invite à ma fenêtre, échange la poussière en paillettes. Seul dans mon lit, ça me rend heureux d'écrire des chansons sur ces instants merveilleux. Et dans mon fort intérieur, j'ai le temps de regarder pousser les fleurs. Ah, ah, ah, non, je n'ai rien d'autre à faire, rien à détruire et personne. Du bien d'être immobile, couper les lignes et voir enfin tout ce qui s'anime dans les recoins, les fourmis rouges, le ciel qui bouge à peine, les nuées de crachats. Pourquoi toujours vouloir faire mieux, travailler tard pour quelques sous, qu'on ira boire pour être sous, pour aller mieux, mais mieux que quoi? Ça me suffit de brasser l'air avec mes bras. C'était Voyou donc sur France Inter avec D'amour et d'insouciance. Camille Taillefer, vous êtes professeure d'histoire géographie au lycée Paul-Éluard à Saint-Denis. Depuis ce matin sur France Inter, des professeurs témoignent sur leur métier. Alors pour renverser la vapeur, avec Marine, on demande aux auditeurs: quel prof vous a marqué et pourquoi? Alors moi j'en profite pour adresser un immense merci à Monsieur Rohoux, mon instituteur de CE2 et CM1 à l'école de La Villette à Ploufragan, à Madame Logéate, ma prof de français au collège La Grande Métairie, et à Marité Lecan, ma prof de lettres et de théâtre au lycée Joseph Savina de Tréguier. Je vous embrasse, voilà, j'ai jamais osé le faire en vrai, mais je le fais maintenant. L'école a toujours été un lieu de joie pour moi, et notamment grâce à vous. Et toi, Maya, par exemple ? Moi, j'avais un prof de latin français vraiment génial en 4e, 3e, alors que j'étais dans ma banlieue. Et en fait, il nous apprenait le latin et vraiment les déclinaisons à partir de textes hyper épiques. Et si on voulait avoir la suite de l'histoire, du genre comment Jules César avait massacré les Gaulois, eh ben, il fallait qu'on apprenne nos verbes et nos déclinaisons. Et en fait, on avait envie de continuer à apprendre. Et moi, c'est ça que vous voulez me demander? Oui, c'était ça. On se retourne vers toi. Vas-y, Marie, on veut tout savoir. Ah ben moi, j'ai un petit souvenir très ému de Madame Wurtz en CM2, qui nous faisait faire plein de trucs chouettes, comme écrire des histoires, etc. Et ça me faisait beaucoup rire à l'époque que ça veuille dire saucisse en allemand. Absolument, alors, est-ce que c'est pour ça qu'ensuite j'ai pris allemand première langue? Je ne le sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ma deuxième prof préférée s'appelle Madame Gros. Je rêve qu'elle m'entende ce soir. C'était ma prof d'allemand en première et en terminale. Et c'est quelqu'un qui nous parlait vraiment comme à des adultes. Et d'ailleurs, on était 4 en classe d'allemand avancé, ce qui fait que la relation était beaucoup plus forte, je pense, qu'à 1 contre 25. Et donc, si Madame Gros nous entend, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message, voilà, sur le WhatsApp de l'émission 0145 24 7000, ou un message vocal même à tous les autres. Il n'y a pas que Madame Gros, écrivez-nous, on veut savoir quel prof vous a marqué et pourquoi. Et vous, Camille Taillefer, vous avez un prof qui vous a donné envie d'être prof, ou en tout cas qui vous a mis sur un chemin qui était le bon? J'aimais bien mes profs d'histoire quand même. Ah bah tiens. Ouais, non mais... Bah, en vous écoutant, je me suis dit, vite, faut que je trouve des noms. Quand même. Madame Valentini, je crois que vraiment, c'était une prof incroyable. Des fois, je la mime, parce qu'on joue quand même toujours un peu au prof. Alors, elle nous disait, je suis pas Saint-Jean-Bouche-d'Or. Je me souviens, ça me faisait marrer. Elle disait, je suis pas Saint-Jean-Bouche-d'Or. Oui, ah oui, ça voulait dire arrêter de gratter absolument tout ce que je raconte, essayer de réfléchir. C'était... C'est bien, on pourrait le dire à la radio aussi, on n'est pas Saint-Jean-Bouche-d'Or. Sauf que nous, on l'est. Non. Dans le documentaire Camille Taillefer de Le Collège de Monsieur Paty, a diffusé sur France 2 hier soir, on entend pas mal de tristesse et une rupture de confiance entre les professeurs et les élèves, un petit peu. On voit beaucoup d'autres choses, mais on voit un petit peu ça. Et vous, vous êtes prof à Saint-Denis, et j'ai l'impression que vous fondez beaucoup de votre relation avec vos élèves sur la confiance. Donc c'est ce lien qu'on a envie d'explorer un petit peu avec vous maintenant. Vous, vous avez encore confiance en vos élèves et vice-versa, aujourd'hui? Ah bah oui. Ça me paraît être une condition indispensable à l'enseignement. Donc c'est sûr que quand on sent une rupture de ce lien, je ne vois pas comment on peut continuer. Et c'est... Enfin là, je suis... oui, j'ai un ton un peu grave, parce que effectivement... ces moments-là, les moments où éventuellement on se sent en danger dans le lien de confiance, la transmission, elle est plus possible, me semble-t-il. Donc, oui, vous allez me dire comment on fait. Oui, pourquoi pas, comment on fait. Je pense, en tout cas, en ce qui me concerne moi et en ce qui concerne mon arrivée en Seine-Saint-Denis, il y a quelque chose autour du regard qu'on porte sur les élèves. Et c'est d'autant plus vrai, il me semble, dans ce département, où on pourrait même peut-être étendre à l'Académie de Créteil, qui est un peu l'Académie repoussoir, quoi. En tout cas, quand on est jeune prof, on a le concours, on se dit, tu vas avoir l'Académie de Créteil, quoi. Tu vas avoir l'Académie de Créteil. Bon. Donc, en l'occurrence, à l'UFM de Vannes, je l'ai déjà raconté plein de fois, mais je le raconte, à l'UFM de Vannes, on avait des modules préparatoires à l'arrivée dans l'Académie de Créteil. Genre, il y avait un cours Académie de Créteil. Ouais, il y avait un cours, ouais, des ateliers où on nous préparait, alors on nous expliquait à la cité, tout ça. Bon, c'était. Ouais, justement, vous enseignez en Seine-Saint-Denis où vous dites, en tout cas, qu'on porte des jugements selon vous et des assignations de jeunes de banlieue antisémites, homophobes. J'imagine, c'est ce que vous dites, que pour instaurer cette confiance entre une institution que vous représentez et eux, ça passe par adresser ces clichés-là, ou en tout cas les prendre en compte, les contourner. C'est-à-dire que c'est pas ce que je pense. c'est un fait. En l'occurrence, par exemple, pour Samuel Paty, qui enseignait pas en Seine-Saint-Denis, on vient faire des duplex à Saint-Denis, le lendemain ou le surlendemain. Pourquoi à Saint-Denis ? Enfin, si c'est pas une assignation, si c'est pas encore une fois mettre des choses sur des gens, oui, voilà, qui sont pas bien grands, plaquer des représentations sur nos élèves, ces élèves-là, ces habitants-là de ce territoire-là précisément. Alors après, faut pas être misérabiliste non plus, parce qu'en réalité, moi, je vais travailler là-bas. Je m'y sens très bien. Mais vous les adressez comment ? Vous dites des choses ? Enfin, vous en parlez, cette assignation-là, en classe ? Ah ben non, parce qu'en classe, moi, je fais le programme d'histoire-géographie. Parce qu'en fait, je suis prof d'histoire-géographie. Mais évidemment que, de temps en temps, ça arrive, parce que de fait, ce sont des adolescents. Donc l'adolescent, il n'est pas forcément toujours hyper... Attention, je sens que là, ouais, le mot, je comment dire, il n'est pas toujours phrase. Hyper pertinent. Je veux dire, parfois, il arrive qu'il réponde assez précisément à la caricature qu'on a de lui. Et c'est un adolescent. Donc évidemment qu'on peut parfois leur dire, mais arrêtez d'être les caricatures de vous-même, vous vous desservez, c'est pas une bonne idée. Mais ils l'entendent, ils en ont conscience, mais ils l'entendent s'ils sentent que dans mon regard à moi, je ne les vois pas comme ça. Ouais. Cette confiance, elle vous permet d'aborder sereinement des débats un peu explosifs dans le cadre de la salle de classe. On a écouté votre podcast qui était sur Arde Radio, où on entend Yasmine, une lycéenne, qui s'exprime sur l'évolution de son rapport à la laïcité, ouais, suite à ses cours avec vous. Alors au début, elle dit quoi ? Elle dit, pour moi, c'était une tyrannie, la laïcité. Puis au fur et à mesure, j'ai compris. Oui, mais ce n'est pas explosif, en fait. C'est pas explosif, ce sont des questions qui se posent réellement. Et donc, il faut y répondre sérieusement. Et les élèves, ils ont envie de comprendre. Les adolescents, ils ont envie de comprendre. Et c'est pour ça qu'ils sont sans arrêt en train de venir nous chercher là où ça fait mal. C'est à ça qu'ils servent dans une société. Donc, ils viennent bousculer nos certitudes. Là, je sais qu'Yasmine va me dire, madame, vous avez encore dit bousculer. Il ne faut pas dire bousculer, parce qu'après, on va croire qu'on vous bouscule pour de vrai. Donc, je précise, ils ne nous bousculent pas pour physiquement. Mais ils viennent chercher et ils viennent pointer nos contradictions. C'est ça qui est ultra stimulant pour un enseignant, parce que c'est là que nous aussi on apprend. Parce que ça aussi, je crois que c'est important sur la confiance. Il y a le regard, et puis il y a aussi l'idée qu'on va apprendre de nos élèves. Et ça, c'est extrêmement important, parce que au lycée, en tout cas, c'est quand même un endroit où on a des élèves suffisamment grands qui vont être citoyens actifs dans quelques années. Hein. Et moi, ils ont 15, 16, 17, certains ont 18 ans. J'ai toujours 28 ans, je l'ai dit, mais bon, en vrai, c'est pas exactement ça. Et donc, ce sont eux notre avenir. C'est eux qui construisent notre société. Donc, déjà, si on les regarde comme des demeurés ou comme des dangers, je crains fort qu'on n'aille pas du tout dans le bon sens. Ça, c'est quand même un vrai enjeu. Par ailleurs, ils sont comme nous on était, je crois, ados, c'est-à-dire complètement révoltés par les injustices, très idéalistes, et ils ont envie de comprendre, ils ont envie qu'on leur explique, ils nous font confiance, et donc ça nous oblige, ça nous honore. Et il faut le respecter. Une confiance qu'il faut prendre au sérieux. Mais en attendant, on va se mettre un petit peu de baume au cœur, en tout cas à ceux des professeurs qui nous écoutent, puisqu'on a fait appel aux auditeurs. Oui, on a demandé aux auditeurs quel prof vous a marqué et pourquoi. Il y a énormément de réponses et énormément d'hommages. Alors vraiment, vous aimiez beaucoup vos professeurs notamment. Bon, il y en a un qui m'a particulièrement fait rire. C'est Morgane qui dit « Bonjour les mamas, moi c'était mon prof de français en quatrième qui postillonnait beaucoup, qui avait un chapeau et qui nous disait avec son accent du sud « Chante, canari, chante voilà, ». Ça me fait rire. On a également Romain qui nous dit « Constatant mon intérêt pour la lecture, madame voisin, ma prof qui enseignait la littérature, m'a un jour donné une liste rien que pour moi de classiques que j'ai bien entendu dévorer. » C'est tout. C'est encore tout. Merci Romain. Encore un, tu veux un dernier ? Un dernier. Et bah, toujours pareil, Isabelle Nivoise, professeure de français au lycée Fresnelon dans le 6e à Paris, m'a fait découvrir... Fresnelon, je pense. Mais Fresnelon, pardon. Je suis insupportable, c'est la parisienne en moi qui parle, mais je pense que... Elle fait découvrir Clarimonde. Voilà, La morte amoureuse est une nouvelle fantastique de Théophile Gautier, parue en 1836. Je pense souvent à vous, Isabelle. C'est Marlène qui vous envoie ce message. Et bah voilà, magnifique. Jusqu'ici, tout va bien, mais c'est bientôt l'heure de la question qui sonne le début de la récré. Aujourd'hui, sur France Inter, on parle du métier de prof, d'institut, de passeurs de savoir, de formateurs de gens de demain, comme vous le disiez, Camille Taillefer, un métier qui ne va pas toujours très bien en ce moment où les démissions se multiplient, où on n'est pas à l'abri, loin de là, du fracas du monde. D'où cette question qui, ce soir, sonne le début de la récré. L'école est-elle à sa place quand elle sort de la classe? Et avant que notre éternelle optimiste Maya Mazorette se lance dans la discussion et bouscule nos certitudes, physiquement et pas physiquement, on se fait un petit plaisir avec Blur et son titre Barbarique. Of lovers vows in the world all around us, and I'd like if you got the time to talk to you. C'était Blur sur France Inter avec Barbarique. France Inter, jusqu'ici, tout va bien. Ça s'appelle la méthode Coué avec Maya Mazorette, Marine Bausson et Marie Misset. Il est 17h, presque 32, c'est l'heure de passer à la question qui sonne le début de la récré. Aujourd'hui, France Inter consacre toute sa journée au métier de professeur. Et parmi les questions qui traversent la société aujourd'hui, il y a celle du rôle qu'on donne à l'école. Est-ce que c'est l'antichambre de la République? Est-ce qu'on forme des futurs travailleurs, de futurs citoyens? C'est ce qui nous a amené à la question donc, qui sonne le début de la récré, c'est-à-dire l'école est-elle à sa place quand elle sort de la classe? Camille Taillefer, vous êtes avec nous depuis 17h08, vous êtes professeure d'histoire géo en Seine-Saint-Denis. Si on vous pose la question très rapidement comme ça, qu'est-ce que vous répondez? Alors très rapidement, je réponds deux choses. D'une part, qu'on peut faire école en dehors de la classe, et ça c'est vraiment très très très réjouissant, mais que quand l'école s'invite à la table du dîner du soir avec Pronote. Non. Il y avait déjà les copies à corriger. Là, je dis non. Pronote voilà. À la elle table est du soir. À sa place. C'est voilà. Non. Nous aussi, on est bourrés d'a priori. Enfin, je dis nous aussi, vous n'avez pas des a priori, vous, Camille Taillefer, vous savez. Mais on a un avis définitif sur ce sujet. Le voici. Maya Mazorette, si on te pose la question, tu réponds quoi? Pas forcément d'avis définitif tout de suite. Mais par contre, j'avais effectivement l'impression que pour moi, l'école, c'est la classe. C'est-à-dire que c'est un endroit où on apprend le programme et point barre. Alors que Marine. Moi, je trouve que c'est aussi hors de la classe qu'on apprend le plus parce que c'est le social qui se joue. Je me rappelle de mes cours, oui, mais c'est surtout des moments avec des copains, c'est la récré, c'est l'internat, c'est la cantine, c'est tous ces moments-là qui m'ont construite. Et moi, à brûle pour point, j'ai personnellement surtout l'impression qu'on demande de plus en plus de trucs périscolaires aux profs sans beaucoup ni les aider, ni les payer par ailleurs. Donc, a priori, j'aurais envie qu'ils puissent se concentrer sur ce qui se passe d'abord en classe. Mais voyons ensemble si on peut faire évoluer nos positions respectives sur le sujet. Et la question qui sonne le début de la récré, c'est donc, l'école est-elle à sa place quand elle sort de la classe? Et pour y répondre, Maya Mazorette reçoit Cathy Racombouzon. Bonjour Cathy Racombouzon. Bonjour. Alors, je vous présente, vous êtes de Marseille, vous avez été députée de 2017 à 2022, vice-présidente de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation à l'Assemblée nationale. On vous reçoit aujourd'hui en qualité d'experte associée de la Fabrique du Nous, un think tank dédié au vivre ensemble. Et pour vous, justement, le vivre ensemble, il passe par l'école. Je vais donc commencer par une question toute simple. Si on laisse de côté la transmission des savoirs, à quoi ça sert l'école ? Ça sert à vivre avec d'autres, avec ceux qui ne nous ressemblent pas, et ça sert à apprendre d'eux, à se découvrir soi-même au contact des autres et à grandir ensemble pour faire société. Alors c'est quoi l'école du nous, cette fameuse école du nous? L'école du nous, c'est une école qu'on appelle de nos voeux, qui existe déjà en partie, c'est ce qu'on a essayé de raconter dans un rapport qui a été publié par la Fondation Jean Jaurès au mois de septembre, qui s'intitule « Pour une école du nous, vivre l'altérité à l'école, un pari gagnant pour la nation ». Et l'école du nous, c'est une école qui permet à chaque élève de vivre tout au long de sa scolarité, de la maternelle au baccalauréat, des expériences positives et marquantes de l'altérité au sein de la classe, quand on est à sa place, mais aussi dans l'école, hors de l'école. C'est-à-dire quel genre d'altérité ? L'altérité, c'est tout d'abord une question de reconnaissance et de respect de ce qu'est l'autre. Que ce soit des une question culturelle, sociale, bien sûr, ethnique, religieuse, physique. Le handicap. Le handicap, bien sûr. Et donc, c'est toutes ces formes d'altérité qui peuvent contribuer à construire ces futurs citoyens. C'est cet apprentissage-là au sein de l'école qui permet de devenir un citoyen capable de vivre avec d'autres à l'âge adulte. Et concrètement, alors, comment ça se passe, l'altérité à l'école? Comment on fait? Alors, l'altérité à l'école, elle a différentes formes elle peut prendre différentes formes qu'on a essayé d'observer et de mettre en lumière dans ce rapport. Il y a des formes très structurantes qui peuvent être à l'initiative des établissements scolaires et des académies, des politiques publiques, quand il y a eu notamment des expérimentations pour favoriser la mixité sociale et scolaire à l'école. Il y a eu des expérimentations qui ont été faites à Paris, d'autres qui ont été faites à Toulouse avec des modalités différentes. Elles ont toutes été évaluées, documentés et montrent des résultats très efficaces pour les apprentissages des enfants, de tous les enfants. Et ça, c'est un apport important en fait, qu'on a pu remarquer. Justement, d'ailleurs, à ce sujet-là, moi, il y a un truc qui m'a passionnée dans le rapport, c'est que vous voulez redéfinir la réussite scolaire. En fait, la réussite scolaire est souvent considérée uniquement à partir des résultats scolaires, des notes, alors qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que ce qu'attendait la société du 21e siècle, c'est des adultes, donc d'abord des enfants, mais ensuite des adultes, qui sont capables de développer des compétences psychosociales, qui sont la créativité, l'esprit critique, l'empathie, la coopération, à l'inverse de la compétition. Même des études ont démontré, le magazine Forbes par exemple montre qu'une des qualités attendues pour les leaders du 21e siècle, c'est l'empathie. Et donc en fait la réussite scolaire passe aussi maintenant par sa capacité à interagir avec l'autre, à coopérer, à développer des compétences qui sont autres que juste une compétence académique. Et ça, vous avez l'impression que dans la société en général, on en manque ? de compétences pour vivre avec l'autre. On en manque ensemble. Énormément. La France est d'ailleurs assez en retard. D'après une étude de l'OCDE qu'on cite dans le rapport, elle est en retard par rapport à d'autres pays. Ce sont des compétences qui sont aujourd'hui mises en avant par le ministère de la Santé, qui a d'ailleurs qui en a fait une priorité, une cause de santé publique, parce que c'est absolument nécessaire de développer ces compétences pour les enfants, pour leur réussite individuelle, pour les trajectoires individuelles, mais aussi pour les trajectoires collectives et la réussite collective du pays. Et donc, votre idée de l'école, en fait, elle implique toute la nation entière. Donc, ce que je disais tout à l'heure, l'école du nous, ce sont des initiatives qui peuvent être prises à la fois par l'éducation nationale, mais aussi par un tissu associatif extrêmement riche, qui peut s'inviter à l'école et faire vivre des expériences d'altérité au sein de l'école ou en dehors de l'école, mais pour accompagner les enseignants et les épauler dans cette démarche, justement. On dit qu'on fait porter beaucoup de responsabilités à l'école et que les enseignants sont souvent seuls pour répondre à beaucoup de défis. Ils peuvent être accompagnés, entouré, épaulé donc de ce tissu associatif. Il y a des initiatives formidables qu'on a identifiées, notamment, je vais en citer une à Marseille qui s'appelle le Grand Bain. C'est un dispositif de jumelage de classes de premier degré. Donc c'est des enfants de 6 à 10 ans qui sont issus de milieux marseillais, d'écoles marseillaises dans des quartiers très différents, avec des profils sociologiques très différents, dont des enfants qui ne se croisent probablement pas très souvent à Marseille, parce qu'ils n'ont pas les mêmes lieux de vie, et qui ne vont pas à l'école ensemble. Et donc, ce dispositif de jumelage leur permet tout au long de l'année de se rencontrer, d'abord d'échanger dans le cadre d'une correspondance, puis ensuite, dans une grande journée de cohésion, de se rencontrer et de construire un projet ensemble tout au long de l'année. Parce que ce qui nous paraît important dans l'apprentissage de l'altérité, c'est comment est-ce que on l'expérimente, on l'éprouve, on le ressent au plus profond de sa chair, et comment on fait ensemble, en fait. Et là, on tout distingue le monde la coprésence et la co-construction, en fait. Et le tout le monde en bénéficie à la fin. Et tout le monde en bénéficie à la fin. Parce que moi, il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué, c'est « plus on se mélange enfant, moins on se dérange adulte ». C'est un super programme quand même. Merci beaucoup Cathy Racombouzon. Merci. Je rappelle que vous êtes experte associée de la Fabrique du Nous, un collectif dédié au vivre ensemble. Une conclusion, Marine ? Absolument, l'école est-elle à sa place quand elle sort de la classe ? Je vais vous dire que oui, comme ça fait un alexandrin, mes anciens profs seront fiers de moi. L'école est à sa place quand elle sort de sa classe. Oui, ça vous impressionne que je sois pas si... Allez. Mais non. Camille Taillefer, vous qui êtes professeure d'histoire-géographie en Seine-Saint-Denis, qu'est-ce que vous en pensez de l'école du nous que Cathy Racombouzon vient de nous décrire ? En fait, j'écoutais attentivement et je suis assez convaincue par ces expérimentations et ces expériences. Et vous en avez mené une un peu similaire. Convaincue de la mixité nécessaire. Mais ça m'étonne quand même un petit peu qu'on demande ça à l'école. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train d'expliquer que c'est à l'école qu'il faut qu'on arrive à mélanger des gens, et puis le soir, ils vont rentrer dans leur quartier séparément. Alors, c'est vrai. Un bon début quand même. Non, mais je veux dire, c'est vrai, c'est bien l'école, elle fait partie d'une société. On peut avoir un projet politique pour l'école. L'école de la République, qu'elle scolarise tout le monde, ça me paraît vraiment une grande source de fierté, et je continuerai à me battre pour ça. Mais on ne peut pas lui demander de résoudre la politique de la ville, on ne peut pas lui demander de résoudre la ségrégation et la ghettoisation de certains quartiers, on ne peut pas lui demander de résoudre le fait que de plus en plus on constate un entre-soi de personnes qui ne veulent pas se mélanger avec les autres. Et je ne parle pas de mes élèves, en l'occurrence là, ni des habitants de Saint-Denis. Et donc, finalement, on dit, à l'école, on va faire des choses, alors on va prendre les élèves de là, et puis ils vont se rencontrer. Mais en fait, voilà, l'école, elle ne peut pas tout. L'école, elle fait partie de notre société. Elle ne peut pas résoudre tous les maux de la société. On ne peut pas le lui demander. Et je pense que c'est dans ces moments-là aussi que les profs se sentent un petit peu... Dépassés Et surtout soumis à des injections, à des injonctions, pas à des injections létales. C'est des profs avec très grosses lèvres. Mais à des injonctions contradictoires qui finissent par devenir schizophréniques. Parce que, par ailleurs, on parle de compétences psychosociales, évidemment, on est très en retard. Mais l'école française, elle est là quand même pour trier. Alors, trier et puis vouloir qu'on vive tous ensemble, c'est un peu contradictoire. Donc voilà. Donc, vous demandez de trier, moi je suis vraiment convaincue. De l'école du nous. De l'école du nous, vraiment, la mixité sociale à l'école, et puis pas que sociale, hein, inclusive, dans tous ses aspects. Mais vous préférez la France du nous. Mais voilà, ça serait... Vous aimeriez bien pas tout porter tout seul, quoi. Mais non, mais c'est surtout que c'est pas possible. Donc ça finit par être fatigant d'échouer. Eh bien justement, c'est bientôt l'heure de l'émission où on vous impose nos obsessions. Alors Maya, tu n'étonneras personne en parlant d'éducation sexuelle. Tiens donc. Et puis moi, une de mes obsessions, et c'est pour ça que je vous dis justement qu'Amita Eiffer, c'est les vertus de l'échec et le droit de se planter. Un truc pas toujours bien intégré dans le système scolaire français. Quant à toi Marine, tu continues de tester tout azimut. Et oui, moi je suis allée capturer des fourmis un dimanche matin, oh, c'était super. D'ici là, je ne sais pas pourquoi tu le dis avec cette voix, c'est très bizarre. Cette personnalité qui vient de monter. D'ici là, on écoute les Talking Heads qui, en 1985, célébraient les routes qui ne vont nulle part, puisqu'elles arrivent forcément quelque part. C'est Road to Nowhere, vous écoutez France Inter. Well, we know where we're going, but we don't know where we've been. And we know what we're knowing, but we can't say what we've seen. C'est les Talking Heads avec un hymne au doute et à l'inconnu dans ce Road to Nowhere qui peut nous amener finalement quelque part. Vous écoutez Jusqu'ici, tout va bien, l'émission qui chahute les idées. Depuis 17h08, nous sommes avec vous, Camille Taillefer, professeure d'histoire-géographie en Seine-Saint-Denis, à Paul-Éluard très exactement à Saint-Denis, et dans le cadre de la journée spéciale Enseigner mais comment sur France Inter. Et pour se mettre un peu en joie, on vous a demandé, à vous les auditeurs, quel prof vous a marqué et pourquoi. On a énormément de réponses, notamment Iliès qui parle de Monsieur Colombo, son professeur d'italien qui les avait tous invités pour faire la fête en fin d'année. On nous parle de Monsieur Peter Schmidt du lycée Camisset. Je l'ai dit tous parce que ça m'embête de pas les dire parce que les gens ont l'air de trop les aimer. On a Axel qui nous a envoyé un vocal qu'on va écouter maintenant. Le professeur qui m'a marqué s'appelait Cédric Cornier, professeur de français avec toujours en col roulé, velours côtelé, avec un cynisme à la Dr House qui m'a donné goût à l'écriture, qui m'a donné goût à la lecture. Depuis, j'écris par passion et c'est grâce à lui. C'était un génie et je le remercierai toujours pour cette année qu'on a eue ensemble en première. Merci France Inter, à bientôt. L'année du bac français, j'imagine, à votre époque aussi. Donc Cédric Cormier, c'est ça ? Absolument, c'est comme ça que s'appelait ce prof. Et qui s'appelle sûrement encore. J'espère que chacun des profs cités ou leurs enfants recevront et entendront vos messages. Beaucoup d'excellents messages. Merci beaucoup les auditeurs. C'est l'heure de se pencher sur nos petites obsessions qu'on vous impose, Camille Taillefer. Là où nos marottes rejoignent votre expérience et la marotte de Maya, on le sait, c'est de raconter la sexualité. Évidemment. Mon obsession, c'est donc les programmes d'éducation à la sexualité qui cristallisent la colère des conservateurs à coups de fake news impossibles à endiguer aux États-Unis comme en France. Certains parents sont convaincus qu'on apprend le Kama Sutra aux élèves. Je voudrais donc profiter de cette émission pour dire qu'en France, les programmes des cours d'éducation à la sexualité ne sont pas secrets. Ils sont sur Internet, sur education.gouv.fr. Il y a même les brochures. Et moi, quand je regarde ces programmes, ce qui me frappe, exactement, c'est à quel point ces programmes sont ambitieux. Il y a un versant scientifique avec les différences entre les sexes, la puberté, la reproduction. Il y a un versant plus sociétal qui ressemble un peu à l'éducation civique. Égalité femmes-hommes, tolérance envers les minorités, lutte contre le harcèlement, esprit critique contre la pornographie. Et puis, il y a tout un versant de protection des élèves. Protection face aux infections sexuellement transmissibles, bien sûr, mais aussi le respect du corps, de la vie privée, du consentement. Un programme, donc, archi-complet. Mais ce que je trouve paradoxal, c'est que la panique morale des conservateurs porte sur le seul aspect de la sexualité qui n'est pas dans le programme, le rapport sexuel, qui évidemment n'est pas enseigné aux élèves, ni gestes, ni techniques. Au max, on pose un préservatif sur une banane, et si vous trouvez ça érotique, c'est une opinion qui n'engage que vous. Cependant, cette panique autour de ces enseignements, je la trouve révélatrice de certains fantasmes. L'éducation nationale sera un monde opaque, soumis à des ordres qui viennent d'en haut, un monde face auquel les parents peuvent se sentir démunis au point de pouvoir se révolter. Pas toujours à tort, mais pas toujours à raison non plus. J'en arrive donc à vous, Camille Taillefer. On va pas parler sexualité, je vous rassure, mais dans votre métier tous les jours, est-ce que ça vous arrive de devoir subir des pressions des parents ? Non. Jamais ? Non. Même pas sur les questions liées peut-être à l'histoire de la colonisation, par exemple ? Non. On est content de vous avoir invité. Non, vraiment pas. Et alors, c'est sûrement lié à l'endroit où j'enseigne, mais les relations qu'on a avec les parents, c'est vraiment des relations de confiance. On va dire que je répète ça. Les parents de nos élèves, ils croient en l'école. Et ils nous font une confiance quasiment aveugle. Parfois, je me dis même qu'ils feraient mieux de se méfier. Peut-être, éventuellement. Non, mais vraiment, ils croient en l'école de la République. Ils croient que l'école, c'est la chance que leurs enfants ont et qu'ils n'ont pas eu. Et donc, ils nous font confiance et on a. Enfin, moi, ça ne m'est pas arrivé depuis mon année de stage à Vannes. Pardon, le Morbihan. où j'avais eu effectivement des parents d'élèves qui avaient écrit pour dénoncer le fait que je n'allais pas boucler les programmes de CJS. Et c'est vrai que je ne les ai pas bouclés. Ça, c'est vrai. Vous êtes obligés de le reconnaître. C'est pour ça que personne ne nous a écrit pour nous dire Camille Taillefer a été. Ouais, j'arrive pas à le dire. Ouais. Elle était super. Ma blague était pourrie. Allez, on continue. Quant à moi, Camille Taillefer, une de mes passions dans la vie, c'est les vertus de l'échec. Et j'ai lu votre résumé d'un projet passionnant que vous avez mené avec vos élèves de terminale et des élèves de Sciences Po autour d'une pièce adaptée du livre Les Bienveillantes de Jonathan Little. Une pièce qui raconte la Shoah depuis le point de vue d'un bourreau hollandais et homosexuel. C'est tout un programme. C'est une pièce qui a duré 3h30 et qui est en hollandais. C'est vraiment un petit exploit en soi, cette pièce. Et vous avez formé des groupes d'élèves qui mélangeaient lycéens, banlieusards et étudiants de Sciences Po pour réfléchir aux mécanismes de marginalisation en œuvre aujourd'hui. Ça a donné des résultats assez fantastiques, très émouvants pour vous, sauf pour un groupe pour lequel ça n'a pas marché, où chacun est resté enfermé dans son rôle. Quand on est impliqué comme vous, qu'on ne compte pas ses heures, qu'on travaille hors cadre en prenant un peu des risques aussi, parce que c'est un risque de donner rendez-vous à des élèves au théâtre sans être sûr d'y aller tous ensemble en groupe et tout. Comment on appréhende un truc comme ça, un truc qui n'a pas marché, un truc où on se dit, bon bah là, ça a foiré. Oh là là, pour une petite partie, hein, tous les autres groupes ça a marché. Mais Oui, bah, ça rappelle. En fait, d'une certaine manière, ça rappelle l'humilité qu'on doit avoir quand on est prof. Ça rappelle aussi que le temps de la classe et le temps de l'année, ça dit pas grand-chose de nos réussites et de nos échecs. Ça rappelle aussi qu'on a... Vous voulez dire que ces élèves qui ont réagi comme ça, à ce moment-là, ça se trouve dans 3 ans, ils vont repenser au truc, bah, et ils auront avancé, évidemment. Évidemment, c'est un moment précis, c'est dans une situation précise. Voilà, donc j'en tire pas de conclusion générale. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose aussi, mais là, ça y est, je l'ai perdu, c'est que... Vous disiez que le temps de la classe n'était pas celui de la réussite. Oui, il y a la question du temps, il y a la question de la réussite, il y a la question de comment on mesure la réussite, comment on mesure l'échec. Alors là, évidemment, ce moment précis, je m'en souviens très bien, je me souviens très bien de ce que ça m'a fait là, dans le ventre, quand je les ai entendus. Bon, c'était clairement un texte homophobe, hein, qui tombait sous le coup de la loi, donc il a fallu qu'on leur dise, non, mais alors ça, non seulement... on va pas le publier parce que ces textes ont été publiés, ils doivent toujours être en ligne d'ailleurs. On va pas le publier, puis vous allez cesser de parler parce que vous allez avoir une sale note finalement. Parce qu'en fait c'est interdit, hein. On peut. Alors moi je peux pas leur changer ce qu'ils pensent, mais par contre ça tombe sous le coup de la loi, donc c'est non. Voilà. Non, ce que je voulais dire c'était que ça rappelle que on a des subjectivités libres et que c'est ça qui est beau. La singularité dont vous parlez au tout début de cette émission. Oui, et puis la liberté. Et la liberté, c'est une condition qui n'est pas négociable dans la classe. Ils sont libres. Alors bon, parfois c'est contrariant pour un prof. parfois ça me contrarie beaucoup. Mais c'est comme ça. Et voilà, donc il faut toujours se souvenir de ça. Singularité, subjectivité, liberté ne sont pas négociables. Quant à Marine, son obsession, c'est de nous faire rire avec les trucs les plus improbables du monde. C'est l'heure de Fraîcheur Marine. Aujourd'hui, c'est mercredi et comme tous les mercredis, ma fraîcheur du jour est consacrée aux enfants. Ah là là, on les aime, nos chères petites têtes blondes, on les aime. Hein. Même si cet amour est durement mis à l'épreuve quand Charlie, 5 ans, pousse Tata à se mettre à 4 pattes dans l'herbe en pyjama dans la rosée du matin par 12 degrés un dimanche à 8h30. Hein. Quelqu'un a déjà plongé dans la rosée ici? Oui, j'ai dit la rosée, Marine. Marie, tu peux baisser la main. Alors je m'explique. J'ai reçu cette semaine au bureau la Cité des fourmis de la marque Clémentoni, une sorte de boîte transparente avec une zone où les fourmis peuvent creuser des tunnels, un module de botanique pour les observer au-dessus du sol, pardon, et une section dédiée à comprendre comment elles se nourrissent. Tout ça pour que les enfants découvrent le monde des fourmis et puissent les observer 24 heures sur 24. Une sorte de loft story, si vous voulez, mais qui serait géré par Bernard Werber. Voilà, loft fourmis. 11 fourmis attrapées dans le jardin, désormais coupées du monde, dans un loft de 15 cm carrés, regardées 24 heures sur 24 par une petite fille et une chroniqueuse de France Inter en pyjama licorne tout mouillée. Au bout de 2 jours d'aventure, il n'en restera plus que 2. Alors, oui, des fourmis. Oui. Alors, s'il en reste seulement 2, c'est pas parce que les fourmis vont s'éliminer mutuellement en disant c'est une super aventure fourmiesque, je suis déçue de sortir, mais en même temps, je suis super contente de ne plus avoir partagé ma chambre avec Shana. Elle m'a saoulée, tout ça parce que c'est une fourmi ouvrière, elle croit trop, elle a le droit de faire des travaux la nuit alors que ça réveille et tout. Toujours, elle porte des trucs lourds, wesh, elle m'a gavé sérieux. En plus, ça se voit trop, son abdomen, il est pas naturel en fait, elle a fait refaire. Non, mais allô, quoi, tu es une fourmi et t'as pas d'antenne. Bon, c'est pas pour ça, mais c'est plutôt parce que malheureusement, j'ai pu constater que les fourmis sont rapidement passées de vie à trépas. Mais comment capture-t-on une fourmi est une question que je ne m'étais jamais posée jusque-là, parce que jusqu'à présent, je me demandais surtout comment faire pour qu'elle ne vienne plus dans ma cuisine en se déplaçant tout le long du mur en faisant la queue-leu-leu. Pourquoi les fourmis, elles se déplacent tout le temps en faisant la queue-leu-leu? Non, parce que si les fourmis font la queue-leu-leu, ça implique également que leurs autres activités préférées soient faire la danse des canards, jouer à la pétanque avec un Bob Ricard sur la tête, faire des dérapages en 106 tuning sur le parking d'Auchan pour faire marrer les copains. Voilà, en gros, les fourmis, c'est des Benjamin Tranier en puissance. Je ne suis pas prête à ça. Donc pour les capturer, si ça avait été le cas, il aurait fallu donc juste mettre du Patrick Sébastien à fond et paf, elles auraient répliqué en faisant tourner les serviettes. Mais là finalement non, il fallait tout simplement les appâter avec du sucre et c'est rigolo. Mais ça marche pour les fourmis le sucre, mais ça fonctionne également avec moi. Alors, mais je ne rentre pas dans la boîte. Alors ce qui était particulièrement mignon, c'est que Charlie leur parlait en les capturant. Enfin, c'était mignon au début, mais assez rapidement je me suis rendu compte que oui, elle leur parlait, mais elle leur parlait en se prenant un petit peu pour Dieu, mais un Dieu malsain. Et croyez-moi, voir une petite fille devenir une version miniature de Vladimir Poutine, c'est impressionnant. Hein. Ça a commencé par « Viens par ici, petite fourmi trop mignonne !» Et ça a fini par « Si tu ne manges pas cette épluchure de pommes, je vous tue tous !» Voilà, ça m'a tellement fait peur que moi, je l'ai bouffé, l'épluchure. Hein. « C'est bon, Charlie, regarde, Tati a tout mangé, relâche les otages !» Ensuite, Charlie a apporté sa cité des fourmis dans sa classe de grande section. Ils ont remis des fourmis, là, tout s'est mieux passé qu'avec moi, comme quoi l'école, hein, c'est vraiment le meilleur endroit pour apprendre des trucs. Donc je conseille vraiment la cité des fourmis de Clémentoni. C'est une super activité à faire avec les enfants, et une super activité possibilité pour partager un moment avec eux. Jusqu'à ce que vous, bien sûr, vous entendiez l'enfant dire « Si je t'attrape, je t'arrache les pattes une par une. » Oui, là, ça, là, c'est non, mais sinon, super. On retrouve tous les jours Fraîcheur Marine en podcast sur France Inter. Et Marine, tu seras à Ponant à passer pour ton spectacle vulgaire. Ce sera le 18 novembre et le 28 octobre au Rocher de Palmer. Ça, c'est à Bordeaux pour le plateau d'humour tellement marrant. Camille Taillefer, vous chahutez avec nous depuis 17h08 et vous êtes ici pour la journée spéciale Enseigner, mais comment ? Pour nous parler de votre, votre travail de professeur d'histoire-géographie. On avait encore plein de questions sur les profs et les élèves. Du coup, on a fait un questionnaire prof ou élève ou les deux. Vous pouvez répondre seulement par un seul mot, c'est clair ? C'est clair. Super. C'est l'interview prof ou élève. J'ai inventé le nom tout de suite parce que je ne l'avais pas. Qui attend le plus la récré, le prof ou l'élève ? Les deux. Qui a le cartable le plus lourd ? L'élève. Qui a le plus de devoirs ? Ah, le prof, je crois. Qui révise avant d'aller en cours, Camille Taillefer ? Le prof. Maya. Qui n'est pas content de la réforme des retraites ? Le prof. Qui tente de se débrouiller avec la laïcité ? Tout le monde. Qui trouve que le prof d'anglais, il est un peu trop chiant ? Bah, je sais pas ça. Maya, une dernière. Une dernière. Bah, très bien. Qui pleure en rentrant chez lui? Pas moi. Et avec qui Camille Taillefer préfère discuter? Les profs ou les élèves? Élèves. Allez, merci beaucoup Camille Taillefer. Le podcast Tenue Laïque, exigé et dispo sur toutes les plateformes de podcast. C'est un podcast Arte Radio, on peut l'écouter. Demain, on recevra le chef Olivier Rollinger pour parler notamment d'algues vertes dans l'assiette et sur les plages. Cette émission a été préparée par Alexandre Gilardi, Josépha Lebrun, Louise Tempéro et Laura Dumez. Maria Pasquet et Gaëtan Collier étaient à la réalisation, Jean-Baptiste Audibert à la programmation musicale et c'était Louis Audebert à la technique. Et si notre cerveau pouvait sauver la planète ? Striatum, le nouveau livre de Sébastien Boller. Qu'est-ce que le striatum ? Cette partie du cerveau qui nous pousse à vouloir toujours plus. Découvrez ce qui se joue dans nos neurones et comment nous pouvons reprendre le contrôle. Un voyage saisissant au cœur du cerveau. Striatum, de Sébastien Boller, aux éditions Bouquin. Oui, dis-moi, je suis en réunion là. Ouais, Mams, tu peux baisser le chauffage du salon ? Parce que tu peux pas le faire. Bah ça va, je croyais que c'était toi qui pouvais contrôler absolument tous les radiateurs à distance. Avec le service gratuit Mon Pilotage Élec d'Engie, pilotez vos radiateurs électriques pièce par pièce directement depuis votre application. Nos clients Mon Pilotage Élec ont réduit en moyenne de 18% leur consommation d'électricité. Appelez le 3101, service et appel gratuit. Voir détails sur particulier.engie.fr. J'agis avec Engie. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Quand Solène a pris l'option cyberprotection pour sécuriser ses données pro sur son ordinateur, elle a tout de suite été super soulagée. Et son associé aussi ? Bah oui, une protection contre les pirates, c'est le top. Surtout si on ne veut pas voir ses projets tomber à l'eau. Vous ne comptez pas vos heures, mais vous pouvez compter sur nous grâce à l'option cyberprotection. Orange. Offre soumise à conditions, disponible en France métropolitaine, réservée aux clients Orange Internet Pro haut débit. Conditions et détails sur orangepro.fr ou au 3901, service gratuit, appel au prix d'une communication normale selon offre détenue. Vous écoutez France Inter, il est 18h. Bonsoir Fabienne Sintès. Bonsoir Marie, bonsoir les filles. À demain, pour nous c'est parti, le 18-20 de France Inter est ouvert. Installez-vous, soyez les bienvenus sur la planète et sa banlieue. Et bonsoir Kevin Dufraîche. Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. À la une du 18-20 et du premier journal de la soirée, un retour en France tant espéré. La chercheuse franco-iranienne Fariba Adelra est en France depuis hier, on l'a appris ce soir. Elle qui a passé plus de 3 ans détenue en Iran, elle avait pu sortir de prison en début d'année, mais elle était toujours retenue en Iran. Les autres titres, Kevin. L'aide humanitaire va pouvoir entrer dans Gaza, annonce de Joe Biden ce soir, juste avant de reprendre l'avion. Après sa visite éclair de 6 heures en Israël aujourd'hui, le président américain qui soutient la version israélienne sur l'explosion d'un hôpital de Gaza hier. Cette explosion qui a déclenché des manifestations partout aujourd'hui dans des pays à majorité musulmane. On fera le point. Dans ce journal aussi, sans perdre de temps, Elisabeth Borne déclenche ce soir le 49-3 à l'Assemblée sur le budget. Et puis Martin Fourcade, des pistes de biathlon aux salles de spectacle. Au sommaire du 18-20 ce soir, nous sommes avec Yigal Palmor, c'est l'ancien porte-parole du ministère des Affaires étrangères israélien. Et avec lui, nous parlerons de cette entrée de l'aide à Gaza, décidée, approuvée lors de la visite de Joe Biden. Nous parlerons de cette comparaison et cette mise en garde même autour du 11 septembre. Nous sommes aussi en Allemagne avec des attaques antisémites et bien sûr, dans ce pays, symboliquement, c'est tellement lourd à entendre. Ce soir, nous sommes aussi en Suisse, qui vote dimanche. Vous entendrez, s'il vous plaît, Martin Scorsese avec Corinne Pellissier. Et puis au téléphone sonne à partir de 19h20. Enseignez oui, mais comment? C'est la suite de la journée spéciale de France Inter. On vous attend, amis professeurs, pour nous raconter comment vous faites, comment vous dites, qu'est-ce que vous dites à vos élèves. Est-ce que vous savez quoi dire quand le contexte est si lourd et quand vous avez aussi perdu un collègue et un ami? Ça se passe au 01, bien sûr, 45 24 7000. France Inter. Elle a donc retrouvé le sol français hier. Fariba Adelra est de retour plus de 4 ans après son arrestation en Iran en juin 2019. L'universitaire franco-iranienne était accusée d'espionnage par le régime. Son comité de soutien puis Sciences Po ont annoncé ce soir que Fariba Adelra était arrivée en France hier. Émotion, soulagement et joie évidemment chez ses soutiens. Bonsoir Valérie Crova. Bonsoir Kevin. Fariba Adelra est sortie de prison au début de l'année, mais elle n'avait pas pu tout de suite quitter l'Iran. Non, en effet, elle ne pouvait pas quitter le territoire iranien car les autorités lui avaient confisqué son passeport après sa remise en liberté en février dernier. Cette anthropologue réputée de 69 ans, directrice de recherche à Sciences Po Paris, aura passé plus de 4 ans retenue contre son gré en Iran. Il faut rappeler que Fariba Adelra est une spécialiste du chiisme et de l'Iran post-révolutionnaire où elle se rendait régulièrement. C'est une franco-iranienne, mais l'Iran qui ne reconnaît pas la double nationalité la considérée comme uniquement iranienne. Elle avait été arrêtée en 2019 par les gardiens de la Révolution avec un autre chercheur français, Roland Marshall, qui lui a été libéré en 2020. La justice iranienne avait condamné Fariba Adelra à 5 ans de prison pour atteinte à la sécurité nationale, ce dont elle s'est toujours défendue. Son comité de soutien a transmis une lettre écrite par Fariba Adelra, lettre dans laquelle elle dit que ses premières pensées vont à ses anciennes co-détenues de la prison d'Evin de Téhéran, où elle avait été incarcérée, et à ses compatriotes qui n'ont pas encore été libérés. 4 Français sont toujours retenus en otage en Iran. Valérie Crova et Fariba Adelra qui dit également dans cette lettre que vous mentionniez un immense merci à mes soutiens. Tout cela est désormais derrière moi. Et une autre bonne nouvelle ce soir, le journaliste franco-afghan Mortaza Berboudi a été libéré. C'est ce qu'annonce Reporters sans frontières. Mortaza Berboudi, 29 ans, a été détenu en Afghanistan depuis le 7 janvier, arrêté par les services secrets talibans qui l'accusaient d'être proche des opposants à leur régime. Il est pour le moment toujours en Afghanistan. Après 10 jours de siège, Israël autorise l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza. C'est en tout cas ce que Joe Biden annonce ce soir à l'issue de sa visite éclair aujourd'hui en Israël. Écoutez le président américain en conférence de presse il y a une heure. Aujourd'hui, j'annonce également un nouveau financement de 100 millions de dollars pour l'aide humanitaire à Gaza et en Cisjordanie. Cet argent soutiendra plus d'un million de Palestiniens déplacés et touchés par le conflit ainsi que les besoins d'urgence à Gaza. Bonsoir Thibault Lefèvre. Bonsoir Kevin, bonsoir à tous. Correspondant de France Inter à Jérusalem, l'aide humanitaire, c'est donc la principale annonce ce soir de Joe Biden à l'issue de sa visite. Oui, la pression américaine a visiblement payé. Israël a donné son accord à l'envoi d'aide humanitaire par l'Égypte, mais à plusieurs conditions. Que les camions soient inspectés, que cette aide arrive directement aux populations civiles dans la zone sud et pas au Hamas, et qu'elle ne concerne que l'eau, la nourriture et des médicaments. À voir maintenant si l'Égypte décidera d'ouvrir le poste frontière de Rafah, c'est au sud de l'enclave. L'autre information, Kevin, c'est le soutien militaire et financier à Israël. Joe Biden s'est engagé à demander au Congrès d'approuver une aide sans précédent. Le président américain a enfin rappelé que selon lui, la paix passait par une solution à deux États. Joe Biden est arrivé, Thibault, quelques heures après l'explosion à l'hôpital Al-Ahli Arab de Gaza hier. Et sur cet événement, il est sur la même ligne qu'Israël. Exactement. Joe Biden est convaincu, comme l'armée israélienne, que l'hôpital Al-Ahli de Gaza a été touché hier soir par une roquette lancée de l'enclave. Une mise au point fondée, dit-il, sur des informations du Pentagone et pas seulement sur la démonstration, images et documents audio à l'appui de l'armée israélienne présentée en fin de matinée. Cette thèse est évidemment difficile à confirmer, tout comme celle du Hamas. Le mouvement islamiste affirme de son côté que des bombardements israéliens sont à l'origine de l'explosion. Le ministère de la Santé palestinien a compté 471 morts un décès sur 6 dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre. Thibault Lefèvre, merci, en direct de Jérusalem. Et malgré ces démentis d'Israël et le soutien des États-Unis, cette explosion dans un hôpital de Gaza a suscité la colère dans de nombreux pays arabes ou à majorité musulmane aujourd'hui. Beaucoup de manifestations en soutien à Gaza et aux Palestiniens un peu partout dans le monde, Julie Pietri. Oui, des milliers de personnes, manifestations à Amman, Tunis, Damas, Beyrouth, en Égypte aussi. Et comme lors des rassemblements d'hier soir, Israël est pointé dans ces rassemblements comme responsable, coupable du massacre d'hier soir dans un hôpital de Gaza. C'est Israël, disent les manifestants, qui a frappé l'établissement, qui a tué des centaines de civils. Les démentis de l'État hébreu n'y changent rien. Et que la Maison-Blanche affirme avoir des communications, des images aériennes qui dédouanent Israël et qui accusent un groupe terroriste palestinien, une roquette hors de contrôle, n'y change rien non plus. D'ailleurs, de nombreux États, Émirats Arabes Unis, Bahreïn, Maroc, Qatar, Koweït, Égypte, Arabie Saoudite, accusent officiellement Israël. Aujourd'hui, à Amman, en Jordanie, où vivent de nombreux réfugiés palestiniens, des milliers de personnes manifestent à proximité de l'ambassade israélienne. Elles demandent sa fermeture, pas d'ambassade sioniste sur le territoire jordanien. En Tunisie, c'est devant l'ambassade de France que se sont rassemblés des milliers de manifestants pour qui Français et Américains sont des alliés des sionistes. C'est l'un des slogans que l'on a pu entendre aujourd'hui à Tunis. Julie Pietri, et pour ce qui est des réactions diplomatiques à cette explosion, le président iranien Ebrahim Raisi a accusé aujourd'hui, je cite, les États-Unis d'être complices des crimes d'Israël. En France, le Conseil d'État s'en remet aux préfectures pour autoriser ou non les manifestations pro-palestiniennes qui sont toutes interdites depuis lundi. Décision de Gérald Darmanin, contestée devant le Conseil d'État donc par le comité Action Palestine, la plus haute juridiction administrative française, qui dit au préfet d'apprécier, je cite, au cas par cas, le risque de troubles à l'ordre public. On y revient à 19h dans le journal d'Hélène Philly. On sait désormais que 24 Français ont été tués lors de l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre. Dernier bilan donné cet après-midi par Elisabeth Borne lors des questions au gouvernement. 7 sont toujours portés disparus. Plusieurs sont probablement retenus en otage à Gaza, a précisé la première ministre. Bonsoir Guillaume Fariol. Bonsoir. Parmi ces 7 Français, Guillaume, il y a toujours 4 enfants dont on est sans nouvelles. Oui, ils ont disparu pendant les premières heures de l'attaque du Hamas. Tous les 4 sans doute kidnappés au kibboutz de Nir Oz, tout près de la bande de Gaza. Parmi eux, Eitan Yahalomi, 12 ans, l'un des premiers visages des franco-israéliens disparus, enlevé à moto sous les yeux de sa mère. Les 3 autres enfants sont tous membres de la famille Dan Calderon. Erez, 12 ans, et sa grande sœur Sahar, 16 ans, ainsi que leur cousine de 12 ans, Noya. Elle est autiste et a besoin d'une attention particulière, alerte sa famille. C'est pareil pour sa grand-mère Carmela, à 80 ans. Elle doit prendre quotidiennement un traitement pour le cœur. En ce qui concerne ses disparus, pas le moindre signe de vie depuis leur probable enlèvement il y a 11 jours maintenant. Contrairement à Miachem, elle apparaît dans la première vidéo d'otage diffusée par le Hamas avant-hier. La jeune femme de 21 ans, visiblement très affaiblie, explique être retenue à Gaza. Je supplie le monde de me rendre mon bébé, déclarait hier sa mère pendant une conférence de presse à Tel Aviv. Guillaume Fariol, et ce soir le gouvernement annonce que la situation au Proche-Orient fera l'objet d'un débat à l'Assemblée nationale lundi à 16h puis mardi devant le Sénat. De nouvelles alertes à la bombe aujourd'hui partout en France. Au moins 10 aéroports régionaux ont dû être évacués, des vols ont été déroutés, d'autres retardés. Toulouse, Beauvais, Bordeaux et Pau étaient toujours fermés cet après-midi. Le château de Versailles aussi a été évacué. C'est la 3e fois depuis ce week-end des alertes à la bombe qui se multiplient depuis l'attentat d'Arras vendredi qui a coûté la vie à Dominique Bernard. Ces petits guignols qui s'amusent avec ces fausses menaces seront retrouvés et punis. Ça, c'est ce soir les mots du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Bonsoir Thierry Clerc. Oui, bonsoir. Merci d'être l'invité de ce journal. Vous êtes secrétaire général adjoint d'UNSA Police. Monsieur Clerc, c'est un grand classique, hélas, hein, dans ces périodes tendues, les fausses alertes à la bombe. Je ne suis pas sûr, cependant, d'en avoir vu autant en si peu de temps. Est-ce que c'est aussi votre sentiment ? Alors, c'est effectivement pas quelque chose de nouveau, comme vous l'avez dit. C'est quelque chose que l'on retrouve chaque fois qu'il y a une situation qui est tendue, notamment par rapport au conflit qui se passe actuellement au Proche-Orient. Mmh. Voilà, il y a des gens effectivement qui s'amusent en fait, qui sont totalement irresponsables, parce que une alerte à la bombe, c'est quand même la mobilisation d'énormément de personnes, d'énormément de personnel. Je veux dire, ça mobilise beaucoup de monde, et en plus il y a toujours des conséquences, notamment lorsque ça se passe dans les gares, dans les aéroports, avec des retards, etc. Et je crois que là véritablement il y a une prise de responsabilité que chacun doit avoir. Parce qu'évidemment chacune des alertes est prise au sérieux, Thierry Clerc. Il n'est pas question d'imaginer que c'est un plaisantin. À chaque fois on y va, on évacue tout le monde. Ouais, c'est vrai que toutes les alertes sont toujours prises au sérieux, et on doit toujours avoir une levée de doute avant de pouvoir rendre l'accès au public de nouveau. Systématiquement, on rentre dans des protocoles, alors qu'ils sont différents en fonction des lieux. Il y a aussi, la communication qui est donnée dans le cadre de l'alerte à la bombe. Est-ce qu'il y a un lieu très précis qui est donné? Est-ce que c'est beaucoup plus large? Est-ce qu'il y a des paquets suspects, des colis suspects qui peuvent être trouvés? À ce moment-là, ce sont nos collègues du déminage de la sécurité civile qui doivent intervenir. Comme paquets suspects d'ailleurs qu'on peut trouver dans les trains de façon assez récurrente. Bref, il y a tout un dispositif, et toutes les alertes effectivement sont prises au sérieux. Et le périmètre en tout cas de sécurité sera levé à partir du moment où on aura passé l'étape de la levée de doute. Le ministre, le garde des Sceaux, pardon, disait tout à l'heure que les petits guignols qui s'amusent à faire de fausses menaces seront tous retrouvés et seront tous punis. Il faut peut-être donner quelques chiffres, ça vaut cher, une fausse alerte à la bombe, que les gens soient prévenus. Une fausse alerte à la bombe, effectivement, c'est 2 ans d'emprisonnement, c'est 30 000 euros d'amende, si l'alerte elle concerne un lieu public. Mais si l'alerte, et on a déjà vu des alertes qui sont données sur les sites, par exemple commissariat.fr, on rentre dans un autre cadre, puisqu'il s'agit d'une dénonciation mensongère auprès d'une autorité judiciaire, là c'est 6 ans d'emprisonnement. Mais il y a également toutes les sociétés de transport qui peuvent se porter partie civile à cause du préjudice. À cause du préjudice. Et là, c'est un autre domaine. C'est tout le domaine civil qui va bien au-delà de ce que peut être le coût de l'amende, en tout cas. Une toute dernière question, Thierry Clerc. Est-ce qu'il y a un portrait robot de la fausse alerte, ou est-ce que la bêtise n'a pas d'âge, pas de région, pas de métier? Non, je dirais que la bêtise n'a pas d'âge. Malheureusement, on a vu récemment encore des gens qui ont été identifiés par l'Office de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication, qui a mis à mal justement des mineurs, qui a mis des majeurs, des gens qui avaient loupé leur train, qui avaient fait de fausse alerte à ce domaine-là. Donc, bien sûr, la bêtise n'a pas d'âge. Thierry Clerc, secrétaire général adjoint UNSA Police, avec nous dans le journal. Merci beaucoup. Et alors que la France et la Suède ont toutes les deux été touchées par des attentats islamistes ces derniers jours, la visite d'État d'Emmanuel Macron en Suède, prévue la semaine prochaine, est reportée à une date ultérieure, annonce l'Élysée, en accord avec le roi de Suède. L'actualité ce soir, Kevin, c'est aussi un nouveau 49-3. Et cette fois, Elisabeth Borne n'a même pas attendu le début des débats sur les articles du projet de loi de finances pour 2024 dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale pour s'en servir sur la partie recettes du prochain budget de l'État. Laurence Perron, vous êtes à l'Assemblée nationale. Jamais la Première ministre n'avait déclenché si vite le 49-3. Et oui, c'est le 49-3 le plus rapide de la législature. Chut. S'il vous plaît, la parole est à Madame la Première ministre. Nous avons besoin de cette première partie du PLF pour financer nos projets et les réponses aux défis auxquels nous faisons face. Et l'interpellation Arrête ton blabla vient des bancs du RN. Elisabeth Borne en profite aussi pour tenser LFI. Le respect, c'est un minimum dans cet hémicycle. Je ne sais pas si vous prenez modèle, monsieur le député, sur l'autre bord de l'hémicycle. Ça fait assez peu progresser le débat. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement. Les ministres sont tellement pressés qu'ils en grillent la politesse à la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet. L'Assemblée nationale prend acte. Le texte sur... Madame la Première ministre, messieurs les ministres, je n'ai pas fini la séance, elle n'est pas levée, je vous remercie. À la sortie, sans surprise, LFI annonce le dépôt d'une motion de censure, Raquel Garrido. Le président de la République, en vertu de la Constitution actuelle, dispose d'une sorte de télécommande magique qui lui permet d'éteindre l'Assemblée nationale, de piétiner les votes majoritaires qui ont émané de la Commission des finances, annulés, c'est proprement insupportable. Et donc les socialistes, puisqu'ils ont suspendu leur participation à la NUPES, ne rédigeront pas cette motion, mais ils la voteront, tout comme le RN qui en déposera une aussi. Laurence Perron en direct de l'Assemblée nationale avec Raymond Albouy pour les moyens techniques. Le gouvernement va maintenant choisir les amendements qu'il souhaite garder. À l'instant, on apprend qu'il ne conservera pas celui qui prolonge la taxe exceptionnelle sur les raffineries. Greta Thunberg, inculpée pour trouble à l'ordre public au Royaume-Uni, la militante écologiste suédoise arrêtée hier lors d'une manifestation en marge d'une conférence de l'industrie pétrolière à Londres. Elle comparaîtra le 15 novembre devant un tribunal. Air France dit bye-bye à l'aéroport d'Orly. D'ici 2026, la compagnie va regrouper ses lignes à Roissy-Charles de Gaulle et donc supprimer d'Orly ses lignes intérieures, notamment celles avec Toulouse, Marseille et Nice, supprimées ou plutôt transférées, puisque c'est la compagnie low-cost du groupe Transavia qui va prendre le relais. Décision justifiée par la chute de la demande, dit Air France, notamment en raison du développement des visioconférences et du report vers le train. Et ça ne plaît pas du tout à Éric Ciotti, le député LR de Nice, qui met en cause le PDG d'Air France, Ben Smith. En même temps qu'on reporte tout le trafic d'Air France vers Roissy, ce qui, pour les personnes qui habitent sur ces territoires, peut rallonger un aller-retour d'une heure et demie, c'est une offre très dégradée qui nous est annoncée. Une offre qui, je le souligne, a déjà été dégradée depuis quelques mois, notamment celle à destination de Nice. C'est la décision de M. Ben Smith, mais il oublie que Air France est une entreprise nationale dont 28% appartient à l'État. Et je demande que les autorités françaises ne laisse pas faire M. Ben Smith dans son mépris des territoires. Éric Ciotti au téléphone de Maxime Deps. Jenny Hermoso de retour en sélection espagnole de foot. La joueuse n'avait pas été appelée depuis l'agression sexuelle dont elle a été victime cet été après la victoire de l'Espagne à la Coupe du Monde féminine de football. L'ex-président de la Fédération espagnole Luis Rubiales l'avait embrassée de force lors de la remise du trophée. Enfin, loin des pistes et du blizzard qu'il a parfois dû affronter, revoilà Martin Fourcade, notre quintuple champion olympique de biathlon et 13 fois champion du monde, monte sur scène désormais. C'est ce soir la première de son spectacle hors piste qu'il joue à Grenoble et où il raconte son exceptionnelle carrière arrêtée en 2020 en plein Covid, sans qu'il ait pu dire donc au revoir à son public. Le champion qui voit des similitudes entre le sport de haut niveau et le théâtre. Il y a beaucoup de similitudes dans la manière de travailler, dans la manière de s'entourer d'une équipe, dans la façon de se préparer et de répéter jusqu'à un objectif. Et je sais forcément qu'avant de monter sur scène, il y aura une grosse boule au ventre. Comparable à ce que vous avez vécu en tant que sportif de haut niveau ? Oui, sans doute, peut-être même un peu plus forte, parce que je maîtrise moins l'univers que ce que je le faisais sur la fin de ma carrière de sportif. Ou même si on a peur, on sait qu'on est la meilleure personne pour prendre le départ sur cette course. Donc en général, il y a une sorte de confiance quand même qui nous aide à dépasser ce trac. Et aujourd'hui, cette confiance sur scène, je l'ai pas encore, parce que j'ai pas confronté ce spectacle au public, et parce que ça restera, je crois, quelque chose de nouveau pendant quelques temps encore. Ouais. Martin Fourcade au micro de Lionel Cariou, France Bleu Isère, en spectacle ce soir à Grenoble, donc puis en tournée dans toute la France, comme quoi on peut être un immense champion et avoir le trac quand même. Ben écoutez, j'espère bien. Merci beaucoup Kevin Dufraîche, ses signes de talent probablement. À tout de suite dans Un jour dans le monde, on jette un œil sur le ciel. La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules électriques, hybrides et thermiques. Euromaster, toute notre expertise pour les pros au service des particuliers. Et Sébastien Léas, bonsoir. Vigilance orange sur 4 départements du Sud-Est. Oui, bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. La Drôme, l'Ardèche, le Gard et l'Hérault ont été placés en vigilance orange par Météo France pour des fortes pluies et des risques d'inondations et de crues. Jusqu'à cet après-midi, les pluies se concentraient essentiellement sur les Cévennes, mais ces pluies orageuses ont tendance à se propager vers les plaines, voire les côtes méditerranéennes, à cause notamment de la perturbation atlantique qui glisse vers l'Est. Ce soir et cette nuit, on craint des averses et des orages peu mobiles qui pourront déverser de grandes quantités de pluie en quelques heures. Le secteur entre Montpellier et Alès est notamment le plus propice à ce genre d'orage stationnaire. Cette zone fortement pluvieuse va ensuite gagner Rhône-Alpes cette nuit. Et encore beaucoup d'averses demain. Oui, des pluies soutenues et orageuses seront encore présentes demain entre le nord des Cévennes, le Lyonnais, le Dauphiné et le Jura. L'après-midi, ce sera au tour de la Franche-Comté et de la Lorraine d'être concernées. Les pluies traînant encore entre Saône et Rhône. Le temps va aussi être de plus en plus instable sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse, ainsi que sur les Pays de la Loire, la Bretagne, la Normandie et le bassin parisien, avec des averses localement orageuses. Le risque aura risque orageux débordera sur le centre-Val de Loire en fin d'après-midi. Sur le reste du pays, le risque d'averse sera plus faible, concernant essentiellement le relief, notamment vers les Pyrénées. Quelques éclaircies arriveront même à percer, prenant plus de place entre l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine. Et puis côté température, les maximales seront comprises entre 16 et 22 degrés sur la moitié nord et 20 à 26 degrés plus au sud. Sébastien Léas de Météo France, merci beaucoup. Vous revenez, Sébastien, tout à l'heure après 19h. La suite ce soir dans Un jour dans le monde, c'est la visite de Joe Biden en Israël. Ce qu'il en ressort, une aide pour Gaza, mais aussi une mise en garde, vous l'entendrez. Nous sommes aussi en Suisse ce soir et en Écosse aussi. On cherche, figurez-vous, les bourgeois de Calais et de Rodin qui ont disparu. Et puis en deuxième heure, à partir de 19h20, au téléphone sonne, c'est la suite de la journée spéciale sur France Inter. Enseigner, oui, mais comment? Et c'est avec vous, amis professeurs, que nous avons envie d'échanger ce soir. Vous allez nous dire comment vous faites quand ce que l'on dit devant une classe, les sujets que l'on évoque peuvent devenir source de conflits, de menaces et bien pire. Est-ce que vous renoncez parfois